Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Et bien merci de nous accueillir à Radio Arc-en-Ciel. Et toujours un coin de ciel bleu, voilà. Puis à chaque fois que tu viens nous voir, tu as toujours quelque chose de différent à nous présenter. Bah écoute, je pense que l'amitié, c'est de l'amour. L'amour, c'est l'amitié, puis c'est le partage. Donc je suis content de rencontrer des nouveaux copains, des nouveaux amis à l'avenir. Et puis j'espère que ça va développer l'esprit, le sensualisme chez tout le monde, l'esprit artistique, voilà. C'est super. Alors aujourd'hui, tu es venu accompagné d'un monsieur, Vladimir, à côté de nous. Voilà, je suis heureux de vous présenter Vladimir Sergiev de l'association Glagol et qui œuvre beaucoup, qui a travaillé énormément à l'UNESCO et qui œuvre pour le dialogue international, de l'amour, de la paix, surtout de la poésie. Voilà, il est avec nous aujourd'hui, donc merci de l'inviter en tout cas. Eh bien merci et bonjour Vladimir. Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, on est heureux de t'accueillir. On va parler de l'association, on va parler aussi de poésie, de ce que tu fais dans la vie, du rapport avec la Russie, puisqu'aujourd'hui on a décidé de mettre la Russie à l'honneur. Mais c'est avec plaisir, étant russe, je suis honoré et heureux de participer dans cette émission. D'accord. Je voudrais dire que nous avons à Paris, nous avons créé il y a une dizaine d'années une association qui s'appelle Association pour la culture russe en France, Glagol. Glagol en russe, ça veut dire la parole, mais dans le sens message. Et ça a ses racines de, si vous voulez, c'est inspiré par le poète russe Pouchkine, Alexandre Pouchkine, qui a écrit un poème philosophique qui explique que la parole, elle porte le message. Et bon, il y a un poème qui s'appelle Le prophète, qui est classique. Que tous les Russes connaissent et j'ai eu l'occasion de la traduire en français et mon ami Guillaume la déclame en français mais aussi accompagné, il va en parler, peut-être on aura l'occasion d'écouter ça. Moi je parlerai de Pouchkine spécialement à côté, puis pour être bref et ne pas monopoliser l'espace, je voudrais juste dire que je suis prêt à répondre à toutes les questions concernant la Russie. Moi, mon topo, c'est diplômé de faculté des lettres de l'université de Moscou, donc spécialiste de français et du russe. Oui. C'est d'où, après, j'ai changé pour le journalisme et j'ai travaillé à Moscou puis à l'UNESCO. Alors, à nos côtés, nous avons donc Elena. Elena, présente-toi. Bonjour, alors c'est Elena du groupe Volga Loire. Voilà. Je voulais aussi souhaiter une très bonne année à tout le monde, toute l'équipe de Arc-en-Ciel. Merci. Et je voulais dire que je suis contente de revenir parce que la dernière fois, je suis venue il y a 4-5 ans avec deux autres membres de mon groupe qui s'appelle Volga Loire. On a joué quelques petits morceaux. Aujourd'hui, je suis toute seule. C'est pas évident de jouer. Je vais essayer. Quoi dire, un autre groupe existe déjà depuis 10 ans. On a joué au Festival des Loires pour la première fois en 2007. Et voilà, on se produit régulièrement dans notre région, mais aussi un peu partout en France. On a beaucoup voyagé dans les autres pays aussi. Bon, moi, je dis toujours que j'aime beaucoup mon pays et je continue de l'aimer à la façon de promouvoir notre culture et faire connaître la musique, mais aussi à travers de nos concerts. Nous avons un musicien qui est également un animateur, qui présente notre programme, qui fait aussi des discours sur la Russie, et à la fin des concerts, les gens découvrent non seulement la musique, mais aussi les traditions, les habitudes russes. Ils sont toujours très contents. Moi, j'ai dit, c'est aussi, c'est ma façon de porter la culture russe. Je suis musicien, je suis pas écrivante, mais bon, la musique, c'est quelque chose qui est très très fort, hein, qui n'a pas besoin d'être traduit. Et moi, je pense que ça aussi, c'est la façon d'être médiateur, médiatrice entre les deux grands pays qui sont la France et la Russie. Et on découvre qu'on a beaucoup de points communs. Et voilà, la musique, c'est la meilleure façon de parler sans parole, de faire chanter nos âmes et nos cœurs. Et c'est ça qui nous réunit, malgré certaines difficultés et différences. Mais tout ce que... Aujourd'hui, il y a des problèmes peut-être entre les pays qui existent. Hein. C'est quelque chose qui passera. C'est la musique, c'est la culture qui restera pour toujours. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Il faut être au-dessus de tout ça. Toutes nos différences, qui n'existent pas d'ailleurs, parce que les gens, les peuples, les familles, les enfants, ils veulent tous la paix. Ils veulent tous vivre sans guerre. Voilà, laissez-vous emporter par la musique, par vos envies de partager tout ce que commun. Cherchez pas les différences. Voilà, et bon, moi, je serais contente de jouer tout à l'heure un petit morceau, merci. Ça va être... C'est gentil, merci, merci. Merci beaucoup, Elena. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de te retrouver. Ah, oui. Et puis, on aura le plaisir, certainement, d'avoir parmi nous Patrice, tout à l'heure, avec qui on s'était rencontré ici même, en direct, dans les Patrice, studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on fête donc nos 16 ans d'émission d'Arc Musique Arc Info. Voilà, ça fait 16 ans que l'émission existe. Hein. Et bien, à cette occasion-là, je crois que Patrice viendra nous voir. Voilà. Et on a donc juste à côté d'Elena, bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, présente-toi. Alors, donc Nicole Maréchal, je suis la secrétaire de l'association APREI, ou APREI, Amitié avec les peuples de Russie et des États indépendants. C'est une association qui a été créée en 1905, après ce qu'on a appelé le dimanche sanglant par des intellectuels, le mot n'existait pas, mais des écrivains comme Anatole France, Romain Rolland, Madame Zola, etc. Et qui s'est appelé ensuite évidemment France Russe. Et en 1991, il a fallu trouver un autre nom. France Russie était trop réducteur, puisque notre association inclut évidemment la Russie et tous les ex-pays de l'URSS et les États baltes. Donc, depuis 1991, nous sommes l'APREI. Et ton siège est où? Et à la maison des associations, rue Sainte-Catherine à Orléans. Rue Sainte-Catherine à Orléans, oui. D'accord. Ben, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette émission. Hein. Et puis, on va laisser la parole à Sébastien. Eh bien, moi, ce que je propose tout de suite, on va s'écouter une petite musique et on en reparle juste après de ce chanteur et on va revenir vers vous. 96.2, c'est Radio Arc-en-Ciel. Et tout de suite, écoutez cette pure merveille qui nous arrive tout droit de la Russie. Sur une scène parisienne, des clowns se déchaînent, des saltimbanques gesticulent et s'esclament. Ils singent l'art devant ton riche mécène, tout cela avant que n'apparaisse Piaf. Et был Париж, и залы перед залом, на час искусства прыганьем поправ. Острила что-то и вертела задом, все это было приложением у Пиаф. И вот она вошла, да суеверия, похожая на грубого башка, как будто в резвый скетч, ошибшись дверью, усталая трагедия вошла. И вот запела, будто полетела, упав от перевешивавших глаз, хирургами из Кромсона тело, хрипя, переворачиваясь в нас. Падам, падам, падам, падай, да. Падам, падам, падам, падай, да. Падам, падам, падам, падай, да. Падам, падам, падам, падай. Но горлом горе шло и горлом вера, шли горлом звезды, шли колокола, как великанша жалких Гулливера. Она, играя в руки, нас брала. Так, уходя со сцены, Пиаф гремела неистовстве пророчествуя нам. Совенок пел, как будто бы химера, упавшая на сцену с Нотр-Дам. Падам, падам, падам, падам, падай, да. Падам, падам. Падам, падам, падам, падай. sa carrière. Une foule égérie chantant son âme. C'était ton ange gardien ou une chimère tombée sur scène du haut de Notre-Dame. Eh bien, il s'agissait de Natalia Natalia Svetolva. Et les adieux de Piaf, c'est ça, hein, monsieur le professeur? Exact. Super. Pas le professeur, heureusement. Et donc, Natalia Svetolova, c'est une merveille, c'est une dame qui chante au fin fond de l'Oural. D'accord. En Sibérie. Oui, on peut dire déjà c'est la Sibérie. Et elle chante des chansons françaises en français. D'accord. Et naturellement, elle adore Piaf, c'est tout naturel. Et là, cette chanson s'était créée par elle-même, comme elle n'est pas seulement chanteuse, mais aussi compositeur. Et ce qui est remarquable, c'est écrit sur le poème d'un très, très grand poète actuel russe, encore vivant, un des derniers Mohicans, Yevgeny Yevtushenko, qui a écrit tout un poème sur Edith Piaf. Et avec la permission de maître, on a pu abréger un peu et en faire, et c'est elle qui l'a mise, elle a donné sa mélodie, et vous sentez bien, c'est vraiment, pour moi c'est génial, et moi j'ai eu l'audace d'essayer de traduire, de faire quelques couplets en français pour que les francophones comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit et sentent cette énergie qui est là-dedans. Donc Natalia, elle chante aussi des romances russes, en russe et en français. Dans ma traduction, elle a fait déjà 5 fois, elle est venue en France. Au niveau associatif, elle a donné des concerts et c'était toujours un succès. Et elle a une voix remarquable. Oui, aussi. Et en plus, elle a fait revivre, par exemple, elle a écrit une chanson, elle a créé une chanson à partir d'un poème d'un poète qui était très connu il y a un siècle. Et c'est devenu une romance absolument adorable. J'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter aussi, oui, mais je ne voudrais non plus monopoliser. C'est juste pour vous dire que je salue Natalia. J'espère qu'elle aura des échos de cette émission. Elle va être. Moi, l'émission, je l'enregistre et on va la rediffuser. On va la mettre en podcast après. Donc, à l'occasion, tu pourras lui envoyer le petit mail pour lui dire voilà, on a parlé de toi et ton album. Et moi, promis, je rediffuserai parce qu'on adore cette voix, c'est mélodieux. Merci, merci beaucoup. Oui. Alors justement, est-ce que c'est pas difficile pour vous qui êtes traducteur d'essayer de traduire presque mot pour mot, on va dire, hein, la chanson du russe en français ou de français en russe, hein, oui, vice versa, et d'essayer de correspondre à la voix et à la mélodie? C'est pas difficile parce que c'est pas tout à fait la même chose? C'est très difficile, mais comme je suis pas payé pour ça. C'est par amour. C'est par amour, et en amour on ne compte pas, n'est-ce pas, comme vous dites. Et je vous assure, ça me fait un plaisir énorme quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ressort et qui est apprécié. Le problème, moi je peux en parler longuement sur les problèmes de traduction poétique, car le problème entre les traductions existantes, c'est que les Français, même bilingues, donc ils maîtrisent parfaitement le français et le russe, ils considèrent qu'il suffit de rendre mot à mot, mais ils ne gardent pas la mélodicité, le nombre de syllabes, etc. Et ça tue. Ça tue la langue propre d'un tel ou tel auteur. Et moi, je mets du temps. Mais ce qui est difficile aussi, c'est le problème de langue française, parce qu'il est plus rigide que le russe. Le russe, vous pouvez inverser infiniment. Donc, il est plus riche dans la création poétique. Les Français, le français et donc les poèmes français sont... C'est cadré. En fait. J'ai toujours dit qu'on était compliqué de toute façon. Ah oui, voilà. Ça c'est pas simple. Mais vous avez. La langue de Molière. C'est la qualité d'ailleurs. Oui, notre langue de Molière a toujours été difficile. C'est vrai. C'est pour ça que je mange beaucoup les mots. Je garde ma traduction normande, moi, dans mon patois. Ça va plus vite. Je voulais dire à Vladimir, il y a quand même une culture très forte entre la Russie et la France. Ah oui, oui, oui. De longue date. Ah. Même du temps du tsar et tout. Même avant. Même avant. Avant les tsars. À l'époque des princes encore, quand il n'y avait pas des tsars. Alors, est-ce qu'on peut entrer très rapidement en parler de cette histoire d'amour entre la France et la... Mais vous savez, les relations entre la France et la Russie sont vraiment particulières. Déjà, la France, depuis des siècles, était le centre de la civilisation, de la culture pour toute l'Europe. Et tous les nobles, dans différents cours, ne parlait que français. Et vous savez que notre Pouchkine, dont je n'arrête pas de parler, On aura l'occasion d'en reparler encore. Oui, mais avec lui, Guillaume, il a écrit sa première poème, son premier poème en français. Et je connais quelqu'un qui a traduit Pouchkine du français vers le russe. Vous imaginez, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Mais c'est pour dire que tout le monde parlait français et souvent, il parlait mieux le français que le russe. Je parle des aristocrates, des nobles auprès des cours. C'était obligatoire et ça a influencé énormément. D'ailleurs, on peut dire, par exemple, il y a une forme de romance... Notre amie musicienne connaît très bien les romances russes. Ils prennent leurs racines des romances françaises. Parce que les premières romances russes étaient écrites par les compositeurs russes et les poètes russes, mais selon, on dirait, le cliché des romances françaises. Et quand vous entendez les premières romances russes, vous avez l'impression d'entendre des chansons françaises. C'est pour dire que... Et donc, bon, on peut parler longuement de toutes ces relations. L'important, c'est que la langue française était véhiculaire, si on peut dire, de la culture française vers le peuple russe. Et depuis, moi, je fais des traductions des pièces de théâtre. Alors, si dans un théâtre, on vous propose deux pièces étrangères, alors... On va choisir d'abord la pièce française. Par inertie, par l'habitude, parce que ça a toujours un goût. Pour les Russes, c'est un prestige. Déjà, c'est un label qui marche encore. Et malheureusement, la langue française n'est pas très bien enseignée actuellement. C'est l'anglais qui prédomine. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Oui. Mais on fait des efforts pour garder ces traditions. Voilà. Formidable. Alors, revenons justement au côté de la Russie, par exemple avec Elena, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut nous parler en deux mots de la Russie, un petit peu, comment on peut présenter la Russie ou quelqu'un, quand même qu'on présente un petit peu le pays, pas les superficies, mais là-bas on parle plusieurs langues, il n'y a que le russe, il y a... Quand même qu'on présente aux auditeurs un petit peu plus la Russie oui, aussi. Est-ce que, oui. C'est moi qui réponds. Elena me regarde. Donc. Bon, je pense que Vladimir, il est mieux placé pour parler de culture multilingue. Oui, en plus, vous savez, la langue russe réunissait, et la culture russe réunissent actuellement 200 langues. Des peuples, des nations, des petites peuplades qui habitent le territoire. Vous avez un Yakout qui parle russe, et donc un Yakout au nord, à l'extrême nord, et un Géorgien à l'époque soviétique, bon maintenant ils sont indépendants, mais vous prenez un Tatar qui habite la République de Tatarstan sur la Volga. Donc pour se comprendre, ils n'ont qu'une seule langue, c'est le russe. Et on a des poètes de nationalités différentes, Tatar, Yakout, Biélorusse, Ukrainien, Lituanien, qui ont créé toutes leurs œuvres en langue russe. Il y a le célèbre auteur Tchingiz Aitmatov, qui était un Kazakh. Kazakh. Attention, pas Kozak, mais Kazakh. Donc c'est turcophone. Lui, il est devenu célèbre grâce à ses œuvres écrites en russe. D'accord. Mais ça n'empêche, et ça c'est très important de savoir, qu'il n'y a pas cette sorte de colonisation, parce que là, récemment, à Paris, moi je viens de Paris, et à Paris, il y avait des journées de la République de Tatarstan. Et sur scène, vous avez entendu, vous avez vu les interprètes qui chantaient des chansons traditionnelles tatars, en tatar, les danses tatars, traditionnelles, folkloriques, etc. Donc, c'est une amalgame. Basé un peu sur cette langue véhiculaire et la culture russe qui est un peu la base des gens issus de l'ex-Union soviétique. Car on peut pas, nous les Russes, ne pouvons pas séparer et dire la Russie et puis les autres maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas un Géorgien qui n'a jamais été à Moscou ou qui n'a pas des amis, ou des Arméniens, ou des Azéris, enfin tous ceux qui sont devenus indépendants. Des pays indépendants. Donc c'est pour dire que c'est un pays énorme. J'invite tout le monde d'essayer au moins de faire un petit tour sur la Volga. Ah, le meilleur c'est le Baïkal, le lac Baïkal, mais c'est un peu loin. Mais ça c'est fantastique. Je peux en parler longuement. Peut-être Elena nous ajoute quelque chose. Elena, tu veux nous dire quelque chose? Moi, qu'est-ce que tu ressens? tout à l'heure, la question tout à l'heure était parler de la Russie en quelques mots. Qu'est-ce que c'est la Russie? Moi, j'ai un regard un peu particulier. Et il y a des mots clés qui symbolisent la Russie. Par exemple, quand on dit... Moi, je dis ça à travers de la musique. Quand on dit Kalinka, c'est quelque chose mondialement connu. Et c'est vraiment... C'est marque de la Russie. Quand on dit vodka... Ouais. Ce qu'on a dit pendant nos concerts, le groupe s'appelle Volga Loire, n'est pas confondre avec vodka boire. Et vous savez, ça, ce que fait tout de suite, rapprocher les musiciens et le public, parce que tout le monde, on se comprend tout de suite. Quand on fait la fête, bon, comme les Français, pareil, on arrose un petit peu. Vous avez le caviar avec, c'est meilleur. Voilà, cet événement, ah oui. Caviar, c'est un c'est peu. Sûr. Voilà, il faut. Ouais, exactement. Mais voilà. Ces deux mots-là, vodka et kalinka, après, bon, c'est une vision humoristique. Après, moi, je ne sais pas, pour moi, c'est mon pays, c'est mes racines. Après, ce que les Français, comment eux, ils ressentent la Russie? Oui, ça, c'est très ça, important. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que, au niveau, je pourrais ajouter juste pour participer, il faut voir qu'il y a quand même une grande différence de mentalité. Oui. Et c'est un peu trompeur. Quand on voit un Russe, donc il a la tête d'un Européen, il peut parler très bien français, mais il y a une différence fondamentale, et il y a un livre qui a été écrit sur la différence des mentalités françaises et russes. En deux mots, on peut dire que les Russes, ils vivent par la passion, et les Français par la raison. D'accord. Et les Français reconnaissent, et même, si vous voulez, c'est ça que parfois on ne comprend pas, parce que par exemple, derrière le mot travail, amour, amitié, argent, enfant, on peut traduire facilement ces mots-là, oui. Du russe en français et vice-versa, mais les notions que ça contienne ne correspondent pas à 100%, c'est-à-dire un ami pour un russe, c'est pas la même notion qu'un ami en français. L'amour et les responsabilités pour les enfants, donc c'est les autres traditions. Et ça, il faut toujours prendre en considération, parce qu'il y a souvent un choc dans des familles mixtes. Oui. Oui. Et certainement autour de vous avez vu des couples mixtes, et il faut vraiment s'adapter. Il faut aller de l'un vers l'autre. Quand vous voyez un Chinois, c'est écrit, c'est un Chinois, donc il doit avoir quelque chose de différent dans la tête. Quand vous voyez un Russe, vous pensez que ça coïncide à 100%. Eh bien non, il faut faire attention. D'accord. Et avoir surtout du respect. Et moi, vous m'excusez, comme j'ai accaparé un peu le micro, donc je voudrais juste dire, c'est l'occasion pour moi de parler à votre radio fantastique et à l'ambiance, je le sens, d'amitié, d'amour et d'énergie, votre arc-en-ciel. Je vous félicite avec ça. Et je suis heureux que vous parlez de Russie actuellement. Голоса, звуки любимые. Là. Donc pendant nos concerts, mon collègue André qui joue la guitare, il donne une explication de ce morceau-là, par exemple, qui ressemble aux autres morceaux parce qu'il y a toujours le refrain qui est entraînant et le couplet qui long, chantant. Pourquoi ? Ils posent toujours ces questions-là à nos spectateurs. Ils n'ont aucune réponse parce que bon, ils savent que derrière il y a quelque chose. Il y a une explication qui va les faire rire. Alors, l'explication est suivante. Pendant le couplet, pendant le refrain, les gens dansent, les gens chantent, les gens font la fête. Et pendant le couplet, ils vont tous au bar pour se resservir un autre verre. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Non, c'est une explication très personnelle qu'on ne trouve pas au Wikipédia ou quelque part. Mais voilà, juste pour faire un petit commentaire de mon morceau. Merci. D'accord, bravo. C'est super. Tout simplement, je pense que c'est un de nos plus grands poètes, enfin un des plus grands, bah oui, parce que la poésie elle est universelle, un de nos plus grands poètes de l'histoire, Alexandre Pouchkine, qui est traduit ici par Vladimir Sergiev. On a Amadou Koukouyaté à la Cora. On vous laisse dans ses mots se présenter lui-même, Alexandre Pouchkine, voilà. D'accord, et bien mille excuses et le voilà. Merci. Tout de suite, c'est ça. En quête d'une voie spirituelle, j'errais, perdu sans mes repères. Un séraphin ouvrant ses ailes m'est apparu dans ce désert. Avec ses doigts si soyeux, doucement, il effleura mes yeux en les rendant clairvoyants comme ceux de l'aigle pénétrant. Et mon ouïe, grâce à lui, du son des cloches fut emplie. Je pus entendre le tonnerre, le vol des anges tout là-haut, les créatures au fond des eaux, le cep de vigne perçant la terre. Et il toucha mes lèvres dures et arracha ma langue impure, hableuse, pleine de blasphème. Et de sa main couverte de sang, une sage langue de serpent plaça en guise de baptême. Son glaive fendit ma poitrine, mon cœur sortit tout palpitant, et dans mon sein la main divine mit une braise au feu ardent. dans le désert j'étais sans vie. Quand du Seigneur me vint ce cri, lève-toi prophète, écoute et vois, je veux ici, là-bas, ailleurs, que ma parole soit ta voix et qu'elle enflamme tous les cœurs. Et qu'elle enflamme tous les cœurs. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепути мне явился, перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверглись вещие зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста отверстия мои водвиг зеницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Et bien voilà donc le petit passage de Guillaume. On sent bien cette affluence et ce mélange de couleurs, et on adore le mélange des couleurs, nous, puisque bah, voilà, on ressent l'Afrique, on ressent la Russie, le français aussi, forcément, les trois mélangés, ça nous donne cet esprit-là, et ça, c'est ce qu'on peut entendre avec Guillaume en concert. Oui, on essaie de retrouver toutes les couleurs. Moi, j'ai grandi à Dakar, parce que mes parents étaient professeurs pour la coopération, donc j'étais sensible au voyage tout de suite, au déracinement. De plus, j'ai eu la chance de travailler un peu le théâtre classique. Et quand vous lisez Tchekhov, il disait qu'il n'y a aucun ventre de femme qui ne saurait égaler la chaleur d'une carte de l'Afrique. Quand vous lisez Tchekhov, et les rapports humains, et ayant grandi à Dakar, et le rapport à l'autre dans son écrit, enfin dans la traduction littérale française qui a été faite, je ressens vraiment un rapport humain qui est, je vais dire, sain, authentique. Et on sent vraiment que les gens communique et qui a le respect de l'autre sans hiérarchie, forcément dans le dialogue, et la volonté de dialogue surtout entre les, on l'a dit tout à l'heure, entre les différents groupes ethniques, parce qu'on voit à l'heure actuelle en Russie c'est 200 groupes ethniques à peu près, il y a énormément de groupes religieux aussi divers, et je pense qu'un respect intégral des communautés, et je pense que c'est important dans le monde du 21e siècle, le respect de ces communautés. Donc c'est vrai qu'à travers les concerts, on essaie non seulement de défendre notre chanson française, et je le disais toujours, les interprètes, enfin les chanteurs que j'interprète sont souvent eux-mêmes déracinés et ont un père italien. Vous prenez Moustaki, Brassens, Ligny, Scudero, ils ont tous un père ou un mère d'origine lointaine, et je pense que c'est intéressant via l'art et via la musique. On a eu un merveilleux morceau de violon tout à l'heure, et l'interprétation, c'est toute l'âme russe et l'âme du cœur qui se propage. Ben, l'âme de ton cœur, elle peut nous chanter une chanson avec Elena ? Moi aussi, c'est possible. Non, je pourrais par contre déclamer un texte poétique, parce que pour Arc-en-Ciel, je prépare un petit texte poétique qui s'intitule L'Ange Bleu. Si elle veut m'accompagner d'une musique de son choix. On va vous laisser réfléchir, oui. Improviser tout à l'heure, on va vous faire ça avec grand plaisir. Ouais, on va vous laisser savoir ça. Moi, justement, je voudrais revenir avec la PREI aussi, puisque vous avez déjà été en Russie. Vous pouvez, voilà, est-ce qu'il y a un petit coin de Russie ? Qu'est-ce que pour vous ça signifie la Russie ? Moi, c'est surtout la Russie vue de France. Vue de France, d'accord, c'est aussi important, voilà. Tout à fait, Nicole pourra vous en parler plus savamment, puisqu'elle a vécu en Russie un certain nombre d'années, donc elle peut vraiment faire la comparaison entre les deux pays. D'accord. Hein, Nicole ? Oui, alors bon, bonjour, moi j'ai, oui. j'ai vécu en URSS 3 ans et donc 2 ans en Ukraine, d'accord, à Kiev, oui. Où l'on parlait russe. Alors tout était écrit en ukrainien dans les rues, dans les magasins, etc. Mais dans la rue, on parlait, oui, russe. Hein. Ça a dû être difficile au départ pour toi ? Non. Venant de France ? Ah bah, moi, j'étais professeur de russe, donc j'étais déjà allée en URSS. J'étais déjà, bon, j'avais la langue, hein. Oui. Et donc je suis partie comme lectrice à l'université. Et j'avoue que j'ai passé 2 ans à Kiev absolument extraordinaire, malgré toutes les contraintes, les problèmes qu'il pouvait y avoir. Mmh. Voilà, vraiment. Bon, je sais que à peine un mois après mon arrivée, c'était mon anniversaire, et j'ai jamais eu un anniversaire comme ça, quoi, avec tant de chaleur, tant de. D'accord. Bon, et puis après, j'ai passé un an à Moscou. Bon, Moscou était très différent comme ambiance, avec une vie culturelle intense, bien sûr, mais des gens beaucoup plus fermés, beaucoup plus froids, hein, à Moscou. Bon, voilà. Alors qu'à Kiev, c'est déjà le midi, c'est très chaleureux. On vous fait la leçon dans la rue. Enfin bon, on vous dit que vous avez un bas filet. Ouais. D'accord. Ça, et si tu retourneras en Russie, il y aurait un petit coin qui tu as envie d'aller, ce serait Kiev, Moscou, découvrir autre chose. Alors, ben, je suis allée, alors après, ben, j'ai emmené les élèves. Enfin, moi, j'y suis allée personnellement en stage pour les professeurs de russe, hein, donc oui, très régulièrement. Et puis, j'y ai emmené très régulièrement les élèves. D'accord. Et à partir de la perestroïka, donc en 91, j'ai organisé un échange d'élèves avec une ville lointaine dans l'Oural, à Perm, donc en général c'est pas connu en France, mais bon, c'est quand même une très grande ville, ouais, avec des instituts de recherche de très haut niveau, du théâtre, voilà. Et là c'est la même chose, ce premier voyage, parce que on a été reçus, mais bon, il faut dire que Perm a été une ville fermée, interdite aux étrangers pendant très très longtemps, parce que c'était une ville où il y avait des usines d'armement, et donc c'était une ville qui commençait à s'ouvrir à l'étranger. Et donc on a eu la surprise de rencontrer des professeurs de français qui n'avaient jamais mis les pieds en France et qui n'avaient jamais rencontré de français et qui parlaient parfaitement le français. Par contre, un français peut-être un peu suranné, parce que donc c'était le français de leur manuel, c'était une langue des années 50-60, oui, mais bon, très très bien, pratiquement sans accent. Bon, on était évidemment, on était quasiment les premiers français qui venions à Perm. C'était le tapis rouge, quoi. On a été dorlotés, on a été. Et tu donnais des cours sur Orléans, dans les lycées, oui, oui, sur les collèges ? Alors moi j'ai fait un peu tous les établissements scolaires. J'ai suivi le russe, hein, parce que le russe a été supprimé peu à peu. Donc j'ai commencé au lycée Voltaire, après j'ai fait un peu de collège, le collège Alain Fournier, après je suis allée au lycée Jean Zay et j'ai fini au lycée Potier. Alors, c'est les 16 ans de la radio, c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'émission. Alors, eh ben avec voilà. Patrice, qui est derrière moi, tu vois, Patrice, il va venir vous voir. Ben c'est avec Patrice que l'aventure a commencé. Bah, tiens, Patrice, va t'installer de l'autre côté. Et puis, on va dire juste après comment a commencé l'émission. Bah, d'où est-ce que c'est venu cette idée, justement, de mélanger ce qu'on appelle nous Arc Musique, Arc Info. Arc Info, c'était l'information, il va nous en parler, et Arc Musique, voilà. Et donc, eh ben, cette occasion-là, a priori, tu as. Alors, il y a une petite surprise pour vous. D'accord. Tout à fait, pour la radio. C'est un petit poème surréaliste qui m'est venu à l'esprit. Oui. Et puis on va improviser quelque chose pour vous, pour les auditeurs. Et merci à Patrice. Merci. Et à Seb d'avoir 16 ans, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, 16 ans, tout voilà, à fait, oui. D'avoir créé cette radio. Voilà, c'est un autre clin d'œil à la radio arc-en-ciel pour vous, chers auditeurs. Et bien merci. Je ne veux plus être prisonnier dans cette vie. L'échappée demande d'apprivoiser le temps à chaque instant. La liberté sans frontières, est le fruit défendu de notre univers. Couché sur l'infini, je dors sur les étoiles. Bouleverse mes envies pour un voyage astral, sidéral, magistral. Ne brûle pas ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs arc-en-ciel, arc-en-ciel. Les astres embrassent le front, demande-leur pardon. Les astres embrassent le front, demande-leur pardon. Avant de brûler ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs bleues parfaites d'une étoile éternelle dans un ciel fidèle. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Sur terre, je brûle ma vie. Sur terre, je brûle mes ailes. Y a-t-il le paradis? Apprivoiser des temps essentiels, surréels, spirituels. Spirituels. Oui, bravo. Donc, c'était notre ami... Elena, merci beaucoup, avec Guillaume, hein, qui a improvisé aujourd'hui, là, hein, on va dire, Guillaume, oui. Sur un poème de ta composition. De... Ouais. Voilà, formidable. Et merci à Arc-en-Ciel. Voilà. Ça nous fait plaisir aussi. On merci a notre beaucoup, ami Elena. Patrice. Oui. Et donc Patrice, on a Patrice qui est là. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Ça fait plaisir. On se voit qu'au journée anniversaire en général. On a fait les 30 ans ensemble de la radio il y a 2 ans, puisque ça va faire 32 ans fin d'année que Radio Arc-en-Ciel existe. Et Patrice, tu as eu, comme d'habitude, des idées un peu folles. On est fous tous les deux, de toute façon. On a toujours des choses qui nous passent par la tête. Et donc, cette idée un peu folle, t'es venu comment d'ailleurs l'émission Tu avais fait déjà un petit peu de radio avant et tu avais décidé de faire quelque chose de spécial ici à Radio Arc-en-Ciel quand tu es arrivé il y a 16 ans? Oh, il y a plus que 16 ans. Je veux dire, cette émission-là, proprement dite, elle a commencé il y a 16 ans. Mais auparavant, j'ai fait de nombreuses émissions avec des thèmes différents sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis un jour, on recevait des fax à ce moment-là. On a reçu. Oula, c'est quoi le fax? Ça date, hein. Ouais, on recevait un fax d'un club de football qui annonçait une rencontre. Je les ai appelés, j'aurais dit, bon, écoutez, bien évidemment, on va diffuser votre information, mais sinon, le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez besoin de coups de main? Est-ce que vous voulez de nouveaux adhérents? Ah ben oui, ben oui. Ben écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de venir en parler, parce que si vous n'en parlez pas autour de vous... Et voilà comment ça a commencé, en fait. C'était ça. Moi, je ne conçois pas une radio qui reste enfermée, repliée sur elle-même et qui ne va pas à la rencontre des auditeurs potentiels, parce qu'il y en a plein. Mais pour ça, c'est un gros travail, mais c'est une passion avant tout. Oui, c'est une passion, ça on le sent. Plus qu'une passion. Oui, ça arrivait d'être énorme. Et donc, et suite à ça, en plus, donc, tu parlais des associations, donc c'était le côté Arc Info, et est venu un petit peu plus tard le côté Arc Musique, qui complète en fait le Arc Info, avec la musique, parce que tu t'es dit, c'est bien ce qui prend la poussière comme CD, mais il faudrait faire quelque chose aussi. Oui, exactement. Faire une radio locale. Alors, en plus, Radio Arc-en-Ciel, c'est une radio locale. Alors, si on ne parle pas des artistes locaux, c'est pas la peine de faire de la radio. On a sorti de la poussière les CD et les vinyles des artistes locaux. Et puis, un jour, Sébastien est arrivé pour faire de la radio. Et puis tout de suite, il est venu dans mon émission et tout de suite ça a marché. Là, on a tout de suite compris. On n'a même pas besoin de se parler pour savoir à peu près ce qu'on voulait faire. Hein. Et puis les artistes locaux, après, on les a fait venir ici dans les studios. On a fait des émissions sous les studios, ici dans la salle, avec la rencontre d'artistes locaux qui venaient d'un peu plus loin pour faire découvrir les artistes. Et voilà comment ça se passait. Et tu as reçu même à l'occasion l'artiste qui est à côté de toi, Volga Loire, oui. Elena. Oui, oui. Elena, vous étiez venue peut-être un lundi à l'époque, parce qu'on a changé plusieurs fois de jour, ou un mardi. Non, c'était vendredi. C'était un vendredi, alors voilà. Donc ça a changé à plusieurs reprises et donc eh ben, on était venu ici. Mais comme je disais tout à l'heure, j'étais pas toute seule. On était à trois, on était plus à l'aise pour jouer. Là, aujourd'hui, je suis toute seule. Je suis aidée par mes amis et Guillaume. Bravo pour tout à l'heure. Je trouve que ça s'accorde très bien, les paroles et la musique s'enchantaient. Oui. Parce que c'est pas le même format. Et c'est plus facile peut-être pour comprendre des paroles et ça fait vibrer. C'est pas les mêmes cordes qui vibrent quand on parle, et avec la musique c'est super bien. Bon, je profite juste 3 secondes pour présenter quelques morceaux qui sont connus en français et en russe. Par exemple, une chanson qui est mondialement connue, il y a des paroles aussi en français. Donc je juge début et après je vais dire comment s'appelle cette chanson-là. Moi, je pense que tout le monde la connaît. C'est le temps du muguet. Du muguet. Ça, c'est un des morceaux connus. Il y a un autre qui était chanté par Rick Hazara. Les paroles, j'ai aucune idée, mais le morceau est suivant. C'est Katusha. Il y a un autre morceau qui était chanté par Charles Aznavour qui s'appelle « Deux guitares ». C'est juste pour citer 3 morceaux les plus connus. Et il y a les autres, mais voilà. Donc je laisse parole à mes, d'accord, oui, mes camarades. Alors, bien, un grand, grand merci. Moi, j'ai juste une petite surprise. Alors, Guillaume, mets ton casque. Si quelqu'un peut lui prêter un petit casque. Voilà. Mets juste un petit casque. Parce qu'on a quelqu'un au téléphone pour nous, juste derrière. Et ça arrive de temps en temps. J'ai des petites dédicaces tout à l'heure à faire. Alors, promis, tu pleures pas, Guillaume. Hein. Même Patrice, hein, ouais. C'est pour Patrice aussi, il connaît. Lève la main, dit bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui c'est ça? Ah, est-ce qu'on peut. Ça va, bonne année. Bonne année. Le truc rituel, ça va, bonne année. On est jusqu'au 31. Allô, allô. Oui, bonjour. Mais c'est tout simplement Mélanie qui vous. Comment ça va, Mélanie? Ça va, et toi, ça va? Bah, ça fait plaisir. Nous, on avait chanté une javanaise ensemble. Oula. Oui, une très belle chanson qu'on a fait à l'arrache. Ouais, bah c'est super sympa, ça fait plaisir de t'entendre. Tu montes un spectacle en plus la prochaine, enfin qui va être à l'affiche là. Oui, oui, je fais un spectacle, mon one woman show qui s'appelle Ma vie tranquille, qui parle un peu de ma vie de mère de 3 enfants et ma vie de chanteuse en parallèle, de façon humoristique. Ouais, c'est un travail à plein temps. Et puis au travers de ça, on a mis quelques chansons, quelques compositions pour illustrer un petit peu bah, justement cette vie pleine de surprises. Ah bah c'est superbe, ça va avoir lieu quand et quand est-ce qu'on peut venir t'écouter? Il y a rien de tel pour la promotion, Guillaume. Oui. Il fait une bonne promo. Ouais. Fait une bonne promo. Eh bien, écoute, là, la première date que l'on fait de la tournée, c'est le dimanche 5 février à Ormes, à la salle François Rabelais. D'accord. Et qu'est-ce que et tu veux? Et si voulais... t'es là, t'es bienvenue d'ailleurs. Eh bah, ben, ouais, on va venir. Et par rapport à ton public, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message au niveau bah, ta vie de femme en général, que le public reparte avec quel sentiment au niveau de ta dramaturgie, le public lambda qui vient et qui te découvre, qu'est-ce que tu voulais faire passer? Non, c'est pas du drame, c'est vraiment en fait que la vie de maman de trois enfants plus ma vie de chanteuse est vraiment une vie très très très très occupée. Et je veux qu'ils ressortent avec cette idée que ben, en tant que chanteuse, c'est pas forcément que la scène et une heure et demie à passer avec le public, c'est tous les à côté qu'il y a justement pour monter sur scène. Et justement avec trois enfants, on m'a toujours demandé comment je faisais justement pour m'occuper de mes trois enfants et m'occuper de ma vie de chanteuse qui est de plus en plus quand même donc ils sont sur scène avec plus toi en plus remplis. Ils sont sur scène avec non, non, toi ils sont pas... non, ils me piquent pas la vedette. Bon, non, bah, écoute, on va venir t'écouter. Hein. Alors Mélanie, son One non, Woman c'est Show comique, hein. C'est donc à Ormes, les renseignements réservation sur place directement hein, à la salle François Rabelais un petit peu avant, c'est à partir de 15h à Ormes ou sur wizen.com, le site, on peut te retrouver ma vie tranquille. Il y avait Patrice qui voulait te faire un petit coucou aussi, Mélanie. Coucou Mélanie. Oui. Okay. Coucou. Il y a juste papy qui est pas là, mais il va pas tarder à m'appeler, il va être jaloux. Mais tu vois, ah, oui. Toute la bande est ici oui. présente et aujourd'hui, bah, c'est les 16 ans de l'émission d'Arc Info et puis on a eu l'honneur de recevoir Patrice. Et oui, 16 ans déjà, ça nous rajeunit pas tout ça. Vite, hein. Voilà. Et une belle émission spéciale aujourd'hui consacrée à la Russie. On a voulu mettre à l'honneur le pays russe, la culture. On va parler aussi peut-être des plats parce que c'est presque l'heure de préparer à manger. Une petite idée. Oui. Et oui, je te connais ton côté gourmand. Ah oui. Eh ben, un grand merci Mélanie, merci, Mélanie. Pour la suite de l'activité. On retrouve toujours ton actualité musicale, ton album, tout ça, c'est sur ton site internet Mélanie 10. Sur mon site internet Mélanie 10 ou alors sur mon Facebook, on peut me contacter, il n'y a pas de souci. Au contraire, on peut suivre toute l'actualité. L'album qui va bientôt arriver, oui. Prochainement. Moi je soupçonne que... Enfin, si monsieur Karim veut bien se dépêcher de finir la dernière chanson. Alors Karim, j'ai son frère à côté de moi, je vais lui dire. Le grand frère, il va lui dire. Moi je soupçonne Sébastien et Mélanie de prendre une substance, je ne sais pas laquelle, pour pouvoir vivre la vie qu'il mène. Oui. C'est pas possible. Eh ben, tu sais, la substance qu'on prend, c'est juste celle qu'on veut entendre. C'est le bonheur et l'amour, et puis l'amour du métier. Voilà, exactement. Et c'est surtout la belle javanaise qu'on a retrouvée avec Serge Gainsbourg, messieurs Guillaume et Mélanie, rien que pour vous. Oh. Allez, bisous Mélanie, à bientôt, on te laisse écouter tout ça. Bonjour Mélanie, à bientôt. Bonjour, belle journée à vous tous. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. En plus, on avait Guillaume qui continue à chanter derrière. Bravo Guillaume. On a notre featuring en direct. Et ben merci Mélanie. Merci à cette toi. Surprise. C'était un vrai bonheur d'avoir écouté ça à nouveau. Et merci à Aurélien Roche qui nous avait accompagné à la guitare. À la guitare. Oui, aussi. Merci beaucoup. Voilà. Et bien écoute Mélanie, on ne dérange pas plus. Bon week-end du côté d'Issoudun et on se retrouve avec ta vie tranquille ou presque tranquille dimanche prochain. Ben, je suis heureux d'aller. Je vais aller te voir. Promis. On sera là, présent à Ormes, donc pour ce grand One Woman Show. C'est pas facile, un One Woman Show à dire. C'est très dur à dire. Hein. Il faut de l'entraînement pour le dire. Ouais. Et puis prochain coup, fais une affiche sans grimace. Hein. Je lui lui ai dit à Mélanie, j'ai envoyé un texto cette semaine tous les matins à 3h, je vois son affiche énorme à Orme, et je lui ai dit, oh, la grimace du matin. Voilà. Allez, bisous. Bonne humeur, la grimace. Ouais. À bientôt, Mélanie, merci. Allez, gros bisous à vous tous. À bientôt, Mélanie. Salut, Patrick. Salut. Au revoir. Eh bien voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait quand même te mettre à toi Guillaume et à Mélanie, hein, pour vous remercier bien tous les deux d'être régulièrement avec nous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On s'écoute tout de suite une petite musique russe et après ben, on va faire un petit tour avec Nicole et Elena aussi. Peut-être un côté un plat russe, des petites idées aussi de cuisine, puisqu'il est l'heure, on peut en parler. Moi je voudrais dire quelque chose, si tu me permets. Ben, c'est trop tard, vas-y maintenant. C'est Patrick toujours. Bon ben voilà, ça change pas. Non mais je voulais justement préciser sur le temps du muguet. Parce que Vladimir va nous parler. Alors, Le Temps du Muguet, cette chanson a été composée et écrite par Francis Lemarque, que beaucoup de Français connaissent, bien sûr, puisque c'est un grand poète français, un grand chanteur également. Mais l'origine du Temps du Muguet, Vladimir va nous l'expliquer, parce que ça serait bien de le savoir. Oui. Très rapidement, hein, Vladimir. Très. Justement, le titre original en russe, je le prononce en russe, Podmoskovnye vechera, on peut traduire comme les soirées près de Moscou, du banlieue de Moscou. Et donc les auteurs sont russes, les paroles de Matusovski, la musique de Soloviev Sedoy. Et le texte original n'a rien, mais rien, d'avoir avec la chanson Le Temps du Muguet. Le Temps du Muguet. Et ça nous étonne, les Russes. Tout russe qui entend ça en français, il s'étonne parce qu'il n'y a pas un seul mot sur la Russie, sur rien. C'est souvent comme ça. Hein. C'est dommage parce que moi, étant traducteur des poèmes du français, du russe en français et vice-versa, je considère qu'on ne peut pas aller trop loin de l'original. Et c'est pour ça que j'ai fait ma propre version qui est plus près du texte. Voilà, à côté de moi. J'ai le professeur de russe qui a pu jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez dire votre opinion. Voilà. C'est sûrement que l'attraction est beaucoup plus fidèle et puis elle est très bien. En plus, vraiment, moi j'admire les traductions de Vladimir, hein, parce que en français, hein, parce qu'elles sont proches effectivement, beaucoup plus proches du russe bien sûr, et en même temps elles sont dans un français excellent. D'accord. Voilà. Mais moi, je vous propose, on va s'écouter tout de suite un petit morceau, Les yeux noirs, interprété ici par le groupe Volga-Loire. Non, c'est pas du direct, hein, c'est l'album. Ça rassure Elena. Oui, j'ai vu le regard d'Elena qui me dit c'était pas prévu. Non, c'est pas prévu, mais je t'ai. Alors en plus, Elena, je dois avoir d'autres morceaux à toi quelque part, mais il faut que je les recherche. C'est déjà gentil à Elena de nous jouer live avec son violon, quelques morceaux. Il s'agit d'un chant traditionnel, Zigane. Tu peux nous dire un petit mot sur les yeux noirs? Les yeux noirs, c'est le morceau peut-être le plus interprété dans le répertoire russe tzigane. Oui. Dans le monde, il est beaucoup interprété dans le style de jazz manouche aussi. Mais c'est considéré comme une romance tzigane russe. Voilà. Après, nous avons aussi notre interprétation à nous. Donc vous allez attendre, il y a plusieurs thèmes qui mélangeaient, mais bon, le principal, c'est les yeux noirs. Bon, le mieux, c'est écouter pour faire des points sur si ça plaît ou pas. Mais en sachant, c'est comme les morceaux les plus connus, les interprétations sont multiples. D'accord. Et là, vous êtes trois, donc, sur les yeux noirs. Le violon contrebasse et l'accordéon. D'accord. Eh bien, tout de suite, le groupe Volga-Loire sur Arc-en-Ciel. Thank you. sont comme moitié lune, moitié nue. Au-dessus des montagnes, je vois ton corps qui colorie ma flamme. Si fugace, tu t'effaces. Continue ton voyage sans vie. Continue ton voyage. C'est Sarah, ça. Merci Aurélien Roche aussi pour cette merveilleuse guitare, hein, cette composition. Oui. Et je dois dire que c'est grâce à toi qu'elle a pu passer en radio FM. Donc un grand merci. Oui. Part d'Aurélien, et qu'elle perdure. Parce que... Alors ça, c'est Sarah volume 1. Je t'embête toujours. Je vais te rappeler en direct tout de suite. Comme ça, on aura des témoins. C'est quand, Sarah 2 ou 3 ou 4 ou 5 ben, en fait, c'est la création d'un album. Bon, ça peut prendre quelques années. Mais en trêve, c'est vrai, ça peut prendre du temps. Parce qu'en fait, c'est une rencontre aussi. Il faut trouver l'harmonie, on va dire, sonore. Oui. Et humainement, on se rend compte qu'il y a certains morceaux. On a envie de jouer avec une contrebasse. On a envie de rajouter un violon et c'est avant tout une aventure humaine. Donc c'est de proposer aux copains. On veut même, là on travaille sur un morceau, on va rajouter un sax cubain, un mec qui est exceptionnel au sax. Et c'est une rencontre humaine avant tout. Donc on attend, c'est un ingrédient quoi, c'est comme la cuisine. On attend d'avoir les bons, oui. Enfin ce qu'on semble nous la bonne qualité surtout humaine pour pouvoir faire ces morceaux. Donc j'espère, dans d'ici quelques mois, oui, on aura l'album qui sera finalisé. Super, voilà, il y a 10 morceaux, ouais. On travaille dessus de façon active. On va en reparler alors. Merci beaucoup. Alors on va retrouver aussi Nicole de l'APREI et puis Elena. Alors juste avant la petite pause musicale, eh bien je voulais discuter un petit peu avec l'APREI, l'association donc. Alors amitié avec les peuples de Russie et des États. Indépendance, c'est-à-dire que voilà. On a voulu garder des liens avec les républiques de l'ex-URSS. Voilà. D'accord. Et alors donc dans l'APREI, vous regroupez plein de choses. Oui, ben alors l'activité principale, ce sont des cours de russe. Oui. Et depuis pour la troisième année, on a un atelier cuisine. Ah bah ça tombe une bien. Une fois par voilà. mois. D'accord. qui est animée par une cuisine, une dame arménienne qui fait très bien la cuisine. Et donc on a des recettes avant tout russes, mais on a aussi des recettes arméniennes, géorgiennes, éventuellement ouzbèques. C'est le mélange, d'accord. Voilà. Alors quelques petits plats comme ça, on peut avoir, ou même Elena, si tu as des plats, ou Vladimir, je sais pas. Hein, qu'est-ce qu'on peut trouver comme la spécialité? Si on parle Russie, à part le caviar, forcément, on va encore dire caviar et vodka, mais en dehors de ça, y a-t-il un plat russe ou quelques plats ou des choses spécifiques? Il y en a pas mal. Hein. Enfin bon, moi, peut-être que Léna veut la en Russie est grande, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plats. Oui. Bah oui, il y a des cuisines aussi un peu régionales. Il y a la cuisine sibérienne, un peu différente de la cuisine russe, mais pas énormément finalement. Hein. Bon, puis les cuisines caucasiennes, mais les Russes ont adopté aussi les cuisines caucasiennes ou ouzbèques, hein, puisqu'il y avait l'URSS, il y avait donc des restaurants de ces pays, de ces républiques-là. Bon, bah, disons que pour moi, enfin, le plat russe par excellence, c'est le borscht. Non, c'est ukrainien. Il y a le borscht ukrainien, il y a le borscht russe et il y a le borscht. Ah, ça y est. Je suis allée sur Internet, il y a 75 recettes de borscht. Comment dire ? Il y a différentes écoles. Oui, voilà, c'est comme en France. On fait sa recette. Chaque maîtresse de maison fait sa recette. Voilà. Mais c'est le petit plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, alors ? On va voir si alors, c'est pareil. C'est une soupe. C'est une soupe, d'accord. C'est une soupe. Donc, la soupe, c'est quand même l'élément principal du repas de midi, de ce qui correspond au déjeuner. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de soupe, les Russes ont l'impression qui n'ont pas mangé. Hein. Oui. Été comme hiver. Alors, d'accord. L'été, c'est des soupes froides. Il peut y avoir des soupes froides, des soupes plus légères, hein, oui. Des soupes avec des légumes verts, les légumes de saison. Bon, l'hiver, effectivement, c'est quand même un plat chaud, toujours à base de bouillon de viande. D'accord. Et dans lequel on ajoute des légumes. Donc dans le borscht ukrainien, on met. Alors le borscht ukrainien, c'est ukrainski borscht, c'est la betterave hein, qui fait la différence. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a de la betterave qui donne une couleur rouge au borscht. Sinon on y met des pommes de terre, des carottes et du chou. Du chou. Hein. Il faut savoir que l'hiver, les légumes principaux en Russie, où, bon, qui est un pays très froid, quand on dit s'il fait froid, c'est un froid. Bon, c'est moins 15, moins 20, moins 28. C'est ce que je dis à beaucoup de gens quand il fait froid. Ben, j'y écoute, je t'emmène un jour en Russie ou rien qu'en France, on va dans les Alpes à moins 20, tu verras, là il fait froid. Hein. Et l'hiver commence en octobre et finit en mars-avril. Hein, oui. Donc voilà. Donc c'est les légumes principaux, c'est le chou. Hein, le chou qui est présenté de toutes les manières, de manière aussi à ce qu'on garde les vitamines, donc qui peut être mariné, donc il reste cru, et comme ça, c'est une source de vitamines. Hein. D'accord. Donc, dans les soupes d'hiver russes, on a du chou, obligatoirement. Hein. Voilà. Et alors, on peut avoir de la betterave, des pommes de terre, des carottes, voilà. D'accord. Et les légumes, il y a des légumes spéciaux en Russie, à part chou, pommes de terre, comme chez nous? Je sais pas, Elena, mais je dirais pas qu'il y a des légumes spéciaux en Russie. Par contre, il y a des légumes qui n'existent pas, hein. Les asperges, les haricots verts, ça. Ils connaissent pas ça, là-bas? Maintenant, ils connaissent par l'importation, mais c'est pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on trouve dans les jardins en Russie. Non, non, non. C'est par pas ce qui se plante. Ben, par contre, on va trouver des tomates, des concombres, des courgettes, des aubergines l'été. Et puis, bon, ben, l'hiver, les pommes de terre, les poireaux, les carottes, la betterave. Voilà. D'accord. Et alors en plat unique, on va dire, il n'y a pas de plat unique, c'est une potée, il n'y a rien de... Bah, le borscht, ça tient déjà bien encore. Hein, mais après, on mange effectivement des katlietti, hein, donc c'est des boulettes de viande. Alors il y a différentes recettes de boulettes de viande, hein, avec différentes viandes. Et puis après, on utilise pas mal les céréales, et en particulier la kasha de sarrasin, c'est du sarrasin en grain. D'accord. Moi j'adore, hein, mais vous avez le magasin Ararat là à côté, vous allez juste en trouver. À côté, là. Sous le porche de Radio Arc-en-Ciel, on sort de Radio Arc-en-Ciel à gauche et voilà, on a ce beau magasin où on peut trouver tous ces produits. Voilà, typiques. Donc le sarrasin en grain que je ne trouvais pas en France et que j'aime beaucoup. Enfin bon, à mon air. Et puis ils ont aussi, ils ont plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a aussi le dessert traditionnel, c'est Vatrushka, c'est une espèce de gâteau au fromage blanc. Ouais. Que moi je voulais juste dire que avec l'association APRUI on a fait beaucoup de soirées cabaret russes. Ça veut dire les gens mangent pendant le spectacle, pendant que nous on est sur scène, et après on descend dans la salle. Dans les traditions des cabarets, on joue autour des tables à la commande. Et lorsque de ces soirées, nombreuses soirées, on a fait aussi beaucoup en France et en Corse aussi, plusieurs fois. Le plat, c'est bœuf stroganoff. Ça s'appelle comme ça, c'est les morceaux du bœuf en sauce. C'est souvent servi comme plat principal aussi. Et vodka aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une boisson. Un plat essentiel. Et voilà, c'est essentiel parce qu'en Russie, il fait très froid. Notamment cet hiver, il a fait jusqu'à moins 37. Ouais. Parce que j'ai toute ma famille là-bas qui. Voilà, ils souffrent. Mais ils souffrent moins que nous quand il fait moins 10 ici. Oui. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'ils consomment tout le temps de vodka, mais parce qu'ils ont d'habitude. Et l'été, ça peut monter jusqu'à plus 40, c'est pas tous les étés, mais le climat est très très continental, ce qui n'est pas le cas de la France. Voilà, de toute façon. Pour en revenir à la cuisine, moi, les choses que j'aime beaucoup, c'est les akouski. C'est-à-dire tous ces hors-d'œuvre, entrées. Quand on fait une fête, on n'est pas obligé de faire un repas comme chez nous avec la soupe, etc. Mais oui. Vous avez une table couverte de zakouski et beaucoup de salades composées. Et alors nous, on a une salade qu'on adore, c'est le hareng sous le manteau. Le hareng sous le manteau. Hein. C'est l'autre qui n'a pas de chou. D'accord. Alors justement, si Elena, et la salade d'olivier. La salade d'olivier, c'est une espèce de macédoine, voilà. Avec des œufs et de la mayonnaise. D'accord. Alors Elena, justement, si tu dois retourner dans ton pays, dans la famille en Russie, tout de suite, tu prends ton téléphone, tu dois appeler ta famille, lui dire « Je viens, mais si tu me fais tel plat, quel serait ton plat préféré ?» Olivier. Ah, bah voilà. Vous prenez tout ce qui traîne dans le frigo. Vous faites vite fait des œufs, de la mayonnaise, c'est toujours partout, oui. Dans chaque famille. Et ben voilà, c'est prêt. Et après, une bouteille vodka, c'est toujours dans le frigo. Et ben voilà. Dès l'entrée, la vodka. Et alors, Vladimir, qu'est-ce que ça serait pour toi ? Moi, je voudrais juste, avant de dire ce que je préfère... Oui. Je voudrais juste ajouter, vous connaissez très bien le proverbe russe « chi d'akash, pish nash ». Ce qu'on peut traduire comme « chi » et « kasha », c'est notre nourriture. C'est rimé en russe et ça exprime un peu les plats basiques des paysans russes depuis des siècles. Mais par contre, on a oublié de mentionner déjà un petit ajout pour les zakouski. Il ne faut pas oublier qu'on mange aussi le lard salé. Et ça, c'est très important parce que, vous voyez la différence, on dit souk comme un polac, pourquoi ? Parce que le polac, il boit le vodka comme le russe, mais il ne mange pas les zakouski. Et c'est un gros problème, parce que les russes, ils boivent le vodka, mais ils mangent toujours des choses salées, hareng salé. Oui, assez gras, donc ça éponge la vodka. Oui. Voilà, c'est juste pour préciser, et il y a aussi ce qu'on n'a pas mentionné, et c'est très important, d'ailleurs, la différence principale entre la cuisine, disons, européenne, dans tout genre, et russe, c'est que, essentiellement, tous les plats se préparaient couverts. Donc, pas au feu ouvert. Donc, tous ces chashlik, ça n'existait pas. Chashlik, ça veut dire... C'est les barbecues. Le barbecue. Et d'où les pirogi et les pirogi. Et donc, je vous en prie d'en manger. Alors, les pirogi, moi, j'adore. C'est, en fait, ça serait votre petit plat, alors. Ah oui, et alors, mais je ne mange que les pirogi de Perm. C'est là que j'ai mangé les meilleurs. C'est spécial. Non, ils étaient de l'école avec laquelle on faisait un échange. Ils faisaient des pirogi. Alors c'est une pâte levée avec de la levure de boulanger qu'on farcit soit de viande avec des oignons, soit de champignons, soit de choux. Effectivement, on aime beaucoup les pirogi avec des choux. Et c'est là que j'ai mangé les meilleurs pirogi. J'en ai une nostalgie terrible. Et alors toi, Guillaume, qui est français, mais qu'est-ce que tu as découvert comme plat ou qu'est-ce que tu... Si tu vas en Russie, tout de suite, tu vas dans un lieu spécifique et un petit truc comme ça que tu aimes. Ce qu'on vient de dire, les pirogi, j'adore, quoi, avec la viande et l'oignon. C'est tellement bon, ça croustille, il y a le goût de... Non, ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, la soupe, le borsch. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller souvent à Moscou, on se fait un petit restaurant qui était très sympa. Et le borsch, et puis, ils ont un très bon alcool aussi. Forcément. Faut savoir qu'une bonne vodka, ça n'en rend pas saoul. C'est comme un bon champagne, quand il est de qualité. Il y a un apéritif, ça, justement. Comme le trou normand, que là, on parle de la vodka pure, mais est-ce qu'il y a un apéritif, un petit peu un mélange d'alcool ? L'apéritif, c'est français, ils ne connaissent pas l'apéritif. Hein. Et d'ailleurs, la tradition de l'apéritif, ça n'existe pas en Russie. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi qui ai vécu en URSS, qui ne suis pas une grande buveuse, je souffrais beaucoup parce que en Russie... Il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau, mais on boit, on ne boit pas, chacun ne boit pas de son côté, on boit pour communier, d'accord, ensemble. Donc si vous ne buvez pas, c'est que vous vous retirez du groupe. Hein. On porte des toasts à chaque fois. Alors, je ne parle pas des toasts géorgiens qui durent une demi-heure, mais... Nicole, je voulais dire, excuse-moi, mais je voudrais connaître un peu cette tradition. Une fois qu'on a bu son verre de vodka, on le jette pas. Sinon, il n'y aurait pas assez de verre. Surtout du temps de l'Union soviétique où il y avait des pénuries. Non, mais C'est le cinéma. C'est quoi? C'est un cliché, ça? Oui, absolument. D'accord. Je sais pas parce que les hommes. Par contre, on boit tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on va boire chacun quand on a envie, on boit. Non, on communie dans. Voilà, ça ouvre l'âme. L'alcool ouvre l'âme et du coup on communie. Des échanges. Donc, alors moi je souffrais beaucoup, j'avais des vins sucrés, des trucs, j'étais malade, le lendemain c'était affreux. Et j'ai été sauvée par la vodka. D'accord. Mais il faut boire que de la vodka. Que de la vodka. Ah, oui. Et il faut pas la mélanger. Ça, c'est les traditions décadentes. Il y a que les Français qui font ça. Occidentales. J'ajoute juste un mot. La grande différence entre la table française, donc couverte déjà pour les invités, et la table russe, c'est que les Français, ils ont une sorte de protocole. Il y a les entrées, donc d'abord l'apéritif, oui, ça n'existe pas chez les Russes. Il y a l'entrée, ça n'existe pas. Il y a les zakouski, qui sont déjà donc les plats froids, qui sont en nombre inimaginable déjà sur la table. Il y a toutes sortes de bouteilles qui sont déjà ouverts, qui sont sur la table, et chacun se sert. Parce qu'on considère que les dames, elles peuvent avoir envie de boire pas seulement le vodka, ils sont plutôt inclinés pour des vins sucrés, les vins de dessert. D'accord. Ou le champagne. On peut commencer par le champagne, finir par le champagne, ou entre les deux. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles rigides. Ceux qui savent, ils boivent la vodka et ne mélangent pas. D'accord. Quelle est la composition de la vodka? Ce qu'on a demandé justement. Comment est-ce que c'est parce que la vodka, voilà, c'est un mot, nous, quand on parle, par exemple, dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le dire quand même. En France, on est obligé de le dire sur les radios. Mais c'est vrai qu'en France, voilà, quand on parle de bière, on sait un petit peu d'où ça vient, ou le vin, d'où est-ce qu'il vient. Mais quand on dit le mot vodka, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit savoir d'où vient le mot vodka. Ah non, comment il est composé? Non, ça existe déjà. La vodka, elle a ses origines. Mais le problème, si vous voulez, de la vodka actuelle, je l'ai appris il y a 2 ans. Au fait, avant, on produisait la vodka de la même façon qu'on produisait l'alcool en Europe. Par exemple, le cognac ou le whisky, la grappa. C'est à base de quoi, en fait? C'est un alcool de blé. Normalement, c'est la base de du blé. Du blé. Mais on peut la faire à la base de betterave, à la base de... C'est pas la même qualité. Ah, très bien. Mais le problème n'est pas là aussi. C'est que avant 1880... 10, la vodka était distillée. Après, le progrès technique a permis de produire de l'alcool, disons technique, et depuis ce moment-là, l'Empire russe a connu le monopole. Donc, parce que c'est très, très bon marché pour produire l'alcool, donc on le diluait avec de l'eau, c'est tout, jusqu'à 40 degrés. Ça rapportait énormément. Dans le budget, c'était. Vous pouvez voir les statistiques. Et le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la vraie vodka russe que connaissaient Pierre le Grand, Ivan le Terrible, et jusqu'à fin du 19e siècle, on ne la connaît plus parce que c'est l'alcool dilué. Donc, tout dépend de la qualité de l'alcool. Il y a des classes, différentes classes, et donc la différente qualité. Et malheureusement, il y a plein de trafiquants actuellement. C'est un gros problème en Russie. Il y a des falsifications. Et il y a des dizaines, des centaines de morts. Des gens qui achètent bon marché comme ça en cachette pour économiser. Et puis ça termine tragiquement. Mais c'est pour dire que la vraie vodka, c'est la vodka distillée. Et moi, tout patriote que je suis, je peux vous dire que je bois la vodka que j'achète ici en France, qui est à 37,5 degrés, mais si c'est marqué d'ici 3 fois. Et je sens que c'est très bon pour la santé. Et je conseille à tout le monde. D'accord. C'est personnel, hein. Allez, moi, on va se faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après pour continuer notre petit parcours russe. Là, une petite musique spéciale qu'on va dédicacer à des auditeurs auditrices qui nous ont fait un petit coucou. C'est pour Nathalie Gomez. Elle est avec sa maman d'origine russe. Pour Nicolas et sa maman qui nous écoutent. Eh bien, une petite musique. Alors, je ne sais pas le titre. Hein, tu vas nous le dire juste après. Parce que c'est écrit en russe. Alors là, j'ai eu quelques petites notions, mais j'ai du mal. Et on se retrouve juste après sur Radio Arc-en-Ciel. sommes toujours sur Radio Arc-en-Ciel avec derrière moi donc un extrait du groupe Volgaloir avec la représentante de ce groupe Elena. Et donc nous avons fait un petit clin d'œil à Nicolas et sa maman, Nathalie Gomez. Nous avons écouté un petit extrait de musique russe. Et tout de suite, eh bien, un petit clin d'œil que Vladimir nous offre. Il s'agit de Natalia Tchaïkovski et Igor Karatschov sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Ne changez rien, www.radio-arc-en-ciel.fr. C'est le site de notre radio pour nous retrouver ici, Sébastien, pour les 16 ans de notre émission de musique Arc Info et Radio Arc-en-Ciel. De mon professeur, je vais juste dire les prénoms, Natalia et Igor. C'est ça. Voilà, je me suis moins trompé. Et c'était quoi le titre exact en russe ou en français, le titre du morceau qu'on vient d'écouter? Romance. Romance. Romance. Romance. Ah, ça nous fait rêver, ça, romance. Alors revenons un petit instant avec la PRUI. Donc, Nicole, alors la PRUI, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est une association d'Orléans et un petit contact? Qu'est-ce oui, qui se passe? Alors, on a un site, hein, www.aprui.org. Sinon, vous trouverez tous les renseignements sur notre association et sur ses activités, et puis le mail, hein, et puis les numéros de téléphone éventuellement des responsables. Donc, nous avons toute une liste d'expositions qui ont été réalisées par notre président d'honneur, Jacques Lefebvre, sur différents thème. Cette année, l'exposition qu'il a réalisée, c'était sur les détachements russes pendant la Première Guerre mondiale. On ne sait pas qu'on a eu des soldats russes qui sont venus se battre avec les Français contre les Allemands. D'accord. Voilà, donc on a un fonds très riche d'expositions sur différents thèmes. Bon, dans nos activités, comme je l'ai dit, c'est avant tout les cours de russe et puis donc cet atelier cuisine. Et sinon, ben, on organise des concerts, soit avec Volga Loire, soit avec différents ensembles, groupes, oui. Ou chanteurs. Et donc pour 2017, comme c'est quand même le centenaire de 1917, on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc là, on est plutôt... Pour le moment, on est dans les projets, mais enfin bon, on a des projets un peu ambitieux. Alors, moi je suis assez spécialiste du cinéma, donc avec le cinéma des Carmes, régulièrement, on fait des projections de films russes. Il y a un événement autour du cinéma russe contemporain qui est prévu pour fin mars. D'accord. Et sinon, en octobre-novembre, on va faire toute une série de films, d'expositions et de conférences liées à 1917. Voilà. Donc, ça sera un programme très riche qui n'est pas encore complètement finalisé, mais donc, moi j'ai donné un programme au cinéma, après le cinéma choisit les films qui veut projeter. J'espère qu'on aura un ciné-concert, ça D'accord. serait vraiment formidable. Et puis, il y aura des expositions, une exposition sur la révolution russe vue par la presse française de l'époque, une exposition sur la mode soviétique des années 30, une exposition sur les affiches de propagande des années 20. Et donc, Vladimir, je compte beaucoup sur l'aide de Vladimir aussi. Bon, moi, j'en ai des affiches, mais... Et puis, une conférence sur le cinéma des années 20, de cette période-là, par une spécialiste du cinéma, la présidente de l'association Kinoglas. Et puis, une conférence sur le... Routemas, qui était un groupement d'artistes d'avant-garde du début des années 20, hein, qui avait été, voilà. Et puis, moi j'espère pouvoir faire mon dada, je suis enseignante, faire une conférence et une exposition sur la lutte contre l'analphabétisme, au début du régime soviétique. Voilà. D'accord. Et alors, prochaine manifestation, il n'y a pas des soirées privées ou publiques qui sont organisées? On peut venir voir l'ambiance russe, vous organisez ça aussi? Non, alors là, cet après-midi, on c'est a la galette. D'accord. La galette des rois. Voilà, la galette des rois russe. Pour les... non, elle est française. Mais la musique sera russe. D'accord. L'accompagnement sera russe. Oui. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est au Cinéma des Carmes, des films. Parce que, alors, bon, moi, je vais dans les festivals de cinéma russe en France. Je travaille pour le site de Kinoglas, je fais les fiches des films qui sortent, et des acteurs et des réalisateurs. Je voulais juste te poser une question. Moi, j'ai un film qui m'a profondément marqué dans ma jeunesse et qui s'appelait Quand passent les cigognes, qui est un chef-d'œuvre russe. Oui. Je crois que c'est de Kalatozov. Talatozov. Et son vrai nom, c'est Kalatozov Shuvili, c'est un géorgien en fait. Ce film est très très beau. Magnifique. Alors, magnifique. Il faut savoir que. Le 1957, c'est oui, la mémoire. Il a été primé, c'est le seul film russe qui a eu le prix, la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1957. D'accord. Et donc, il faut savoir que Potemkin, le distributeur et qui fait des DVD, a sorti un coffret. Kalatozov avec Quand passent les cigognes. Et justement, la personne qui est la présidente de Kinoglas, qui viendra nous faire la conférence, a fait des bonus, parle de tous ces films de Kalatozov. Donc Potemkin a des coffrets très intéressants. D'ailleurs, si on fait quelque chose au cinéma des Carmes, je pense que je vais essayer d'avoir des coffrets éventuellement des films russes, des films soviétiques. D'accord. Alors justement, si on recherche sur Orléans ou peut-être par correspondance, maintenant beaucoup sur Internet, à avoir... des produits russes ou des films de la musique russe, où il y a un endroit spécifique où on peut se renseigner? Alors pour la musique russe, c'est vraiment compliqué parce que moi j'ai voulu acheter des CD de musique populaire russe. C'est fini, la Fnac n'en fait plus. Enfin, il n'y a plus que Internet. Donc c'est un peu. Voilà, bon, j'étais au Festival international de Moscou, du cinéma de Moscou en juin, donc j'ai réussi à trouver quelques CD. Plein, voilà. Oui. Mais bon, c'est même difficile là, sur les. Et puis, par contre, pour les films, alors, pour le cinéma russe, vous avez un site que je vous recommande vivement, c'est www.kinoglas, avec un Z à la fin, www.lenafilm.fr et vous, c'est assez exhaustif sur tout ce qui, sur tous les festivals, les sorties de films russes en France, enfin, vous voyez, et tous les festivals dans le monde entier où il y a des films russes, les festivals russes, il y a vraiment, il y a énormément, et puis donc vous, pour chaque film, vous avez une fiche, et pour chaque personne qui est sur la fiche du film, vous avez aussi une fiche de la personne. Donc, et là, vous avez les DVD, donc vous avez donc tous les DVD qui sont sortis, les coffrets qui sont sortis chez Potemkin. D'accord. Et donc, justement, parce qu'on parle de musique et de DVD, en Russie, on retrouve les mêmes programmes films visuels qu'en France. C'est traduit en russe pour la télé russe. Alors, ils sont bon en Russie. Je sais pas, Elena, peut-être que tu. Bon, en Russie, c'est beaucoup les films américains. D'accord. Bon, il y a des cinémas, alors c'est les blockbusters américains. Les Russes se mettent à faire des blockbusters et des films de science-fiction, ouais. Vraiment super aussi dans ce genre-là. Mais les gens regardent beaucoup les films à la télé. D'accord. Bon, je ne sais pas, Vladimir, peut-être, lui, il est quand même plus dans le pays. Oui, c'est vrai. Mais il y a des cinéphiles passionnés en Russie. Ouais. Hein, donc, il y a une association qui s'appelle la Fédération des Ciné-Clubs, hein, Fédération Kino-Club, où vous avez vraiment des gens qui voient tous les films. Il y a quand même des cinémas, en particulier à Moscou, mais un peu partout, qui sont des cinémas d'art et d'essai, et puis des festivals où ils peuvent voir les films effectivement étrangers. Hein, voilà. D'accord. Donc ils connaissent très bien. Moi là, j'étais au festival de Moscou, j'étais dans un petit jury, justement le jury de Kino Klubov, et j'ai rencontré des gens qui avaient une culture cinématographique impressionnante. Oui, ce bien sont vraiment des amateurs. Oui, oui, des passionnés. Hein, c'est et dans chaque ville, vous avez un club. Voilà, c'est ça. On avait des représentants de toutes les villes. Oui, et ça, j'étais un peu étonné d'apprendre qu'on peut pas trouver. Et des disques, des chansons en France. Voilà, maintenant c'est fini. Mais il y a un magasin, Librairie Globe. Ah ben bah ils m'ont dit, regardez sur Internet, ils n'ont pas de CD. C'est pas vrai. J'y suis allée. Moi, je suis allée à Librairie du Globe, qui est la librairie russe par excellence. Hein. Oui. Ah, me dit non, allez sur Internet. Alors, bon, comme je voilà. Elena, il y a un album aussi, il faut en parler de chez vous quand même. Il y a un album, on le trouve. Oui. En fait, le nombre de demandes de la musique de CD à la sortie des concerts, à la sortie des soirées, les gens veulent continuer à écouter la musique, ça fait beaucoup de plaisir, ça confirme qu'on est pas pour rien, ce qu'on fait, ça plaît. Donc là, ça nous a poussé de faire cette déjà deuxième CD qu'on a sorti. Et là, le stock est terminé, donc il faut que je recommence. Je mettrai les autres morceaux qui sont plus connus parce qu'il n'y a pas de Kalinka, il n'y a pas de Le Temps des Fleurs, les morceaux très connus qui sont demandés. Mais justement, moi, j'ai réfléchi tout à l'heure par rapport à toutes les sorties des gens au cinéma, au concert, etc. C'est le paradoxe de nos jours, que les gens peuvent voir tout sur Internet. Et ça, le gros souci, encore hier, on a parlé au Conservatoire Saint-Jean-Larouel, où je suis le professeur, de ce problème-là. Les enfants ne sont plus les mêmes, le public ne sont pas le même. Il faut faire tout à la carte, il faut tout donner. Voilà, les gens ne veulent plus perdre le temps. En plus, il faut payer pour aller au concert. Bon, aujourd'hui, à Orléans Concert, ils ont monté le système d'abonnement pour que les gens achètent 5-6 concerts dans l'année pour qu'ils sortent, pour que ce soit des sorties continues. Mais tout est compliqué. Ça vient de là. Acheter les CD, acheter des DVD, ça sert presque à rien. Hein. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui restent à la maison et qui regardent. Il y a grand choix de films et tout. Parce qu'un film, quand il sort au cinéma, oui, il reste dans l'affiche, à l'affiche 2 mois. Et après, c'est terminé. Voilà. Si vous avez loupé par quelques raisons votre sortie de cinéma, après, c'est voilà, vous achetez un DVD, vous regardez tout simplement sur Internet, et voilà. Et on n'imagine pas qu'est-ce qu'on perd quand on voit un film sur Internet ou on écoute la musique sur Internet et pas au concert. Et pas la musique en live, par exemple, en acoustique. Et pas un spectacle théâtral, spectacle de danseurs, ça, on parle pas, c'est que voir sur scène. Mais c'est un grand problème d'aujourd'hui. Et justement, nous, on travaille dans le mouvement dans l'événement musical, dans l'animation musicale, et on voit que c'est de plus en plus difficile. Et pour organiser, parce qu'on est bloqué de côté des finances, et voilà, les intermittents du spectacle ne peuvent pas travailler pour merci, pour un merci. Et l'autre côté, quand c'est très très mal rémunéré, il y a moins en moins de spectacles, moins en moins de possibilités pour les artistes. Je me bats contre ça justement. Au niveau de la radio, on est là pour les artistes, pour les aider. Heureusement, on a des occasions comme celle d'aujourd'hui pour parler de la musique, pour faire un petit peu des pubs, pour justement pour essayer de faire sortir des gens de leur coquille, pour les convaincre encore une fois de s'intéresser, de continuer de sortir, de faire. Ben voilà, c'est de plus en plus difficile. Bon, merci pour cette émission. Merci. C'est normal. Donc on rappelle Volga-Loire, vous avez un petit site internet, des coordonnées si on cherche à prendre contact avec Volga-Loire, toi. Volga-Loire, si vous tapez Volga-Loire, un tiret entre les deux mots, vous trouvez le site. Sinon, volga-loire.eclablog.com. Et on retrouve toutes les coordonnées de l'association. Ouais. Et puis des dates de concert, on peut te retrouver prochainement sur Orléans ou le secteur. Sur la région, on a plusieurs concerts qui sont privés. Oui. Ça veut dire, c'est pour le congrès scientifique, c'est une soirée privée. Il y a les autres soirées, mais soirée publique, ça sera un petit festival à changer. C'est une commune côté de la Chapelle Saint-Méma. Oui. C'est malheureusement que 23 juin. D'accord. Sur Orléans. C'est le soir et c'est un mini festival sur 3 jours que la commune, une petite commune comme Changé, organise un festival sur 3 jours. Ils invitent les artistes, ils invitent des peintres aussi, ils font des expositions. Je trouve que c'est très sympa. C'est encore une fois, ça mettons, les petites communes parfois sont plus actives que les grandes communes. On se pose pas des questions d'où viennent les budgets et tout ça. Je pense que c'est la volonté de la municipalité, aussi des adjoints de la culture, des responsables des programmations culturelles. Comme il y a des années, on avait une énorme, je trouve, pour une ville comme Ormes, programmation culturelle sur toute l'année. Aujourd'hui, le directeur artistique, le directeur de l'école, il a quitté la région. On ne trouve plus cette diversité et cette multiple activité. Après, il y a Orléans, il y a Fleury, il y a Saint-Jean-la-Rouelle, il y a une grande programmation aussi. Et bien là, et donc, notre prochain, si j'ai un autre rendez-vous, il faut aller sur le site du groupe. Il y a une affiche, il y a des concerts. D'accord. En affiche. Voilà. Ça marche. Eh ben, tu leur feras un petit coucou à Changi. Puis pourquoi pas, tu nous mets en relation avec le programmateur du festival. On essaiera de faire de la pub pour eux quand vous serez là-bas. Allez, je vous propose un petit morceau de musique et puis on se dit au revoir juste après. Parce que, mesdames, il y a du travail derrière. Hein. Allez, je vous propose tout de suite le trio. Alors, c'est. Il est caché loin derrière. Alors, c'est trio et le morceau, justement, ça va vous faire plaisir. C'est un mélange de culture, de musique. Et vous allez connaître hein, Ava. De toute façon, vous allez reconnaître tout de suite la sonorité. Et on en parle juste après. Guava juste derrière moi, c'était un petit clin d'œil mélange culturel, mélange de langues. Et il s'agit donc. Je suis un peu loin, il y a Shirley Pierre. Ici, c'est tout en direct. Donc, on a Shirley, c'est une chanteuse mezzo-soprano d'origine. Elle pratique l'hébreu. Danse hip-hop, chant hip-hop. Pierre Ricard, il a fait toutes les premières parties de François Feldman, Pierre Bachelet, Rick Azaray et Zach, artiste international, généreux à la voix chaude, ensoleillé, compositeur, pianiste. Et puis c'était ce mélange de couleurs, comme en Russie, hein, on a bien vu, hein, il y a des mélanges de cultures, puisque c'est vrai que le pays est, combien je crois, 26 fois la France à peu près ? En superficie, il est grand. Hein, c'est facilement. Facilement. Donc, il y a plusieurs étendues en Russie. Et donc, forcément, plusieurs cultures, plusieurs religions. Et c'était un grand plaisir de parler. Et on continue encore. On a encore 45 minutes pour parler de la Russie. Avec l'association APRUI, on te remercie beaucoup, Nicole. Ben, c'est moi qui vous remercie infiniment, hein, pour cet accueil chaleureux. Et puis, pour votre philosophie d'ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres pays. Ça, je trouve ça magnifique. Et c'est toujours très important dans une période où certaines personnes se replient sur elle-même. Je pense que la solution, c'est effectivement de s'ouvrir aux autres et de s'enrichir des différentes cultures. Et donc, merci à votre radio. Ah ben, c'est normal. Voilà. C'est mon émission que j'ai repris, le cours de Patrice, elle est là pour ça. Pour nos artistes, pour les associations, discuter tranquillement avec vous. Hein, voilà. Moi, je dis toujours, combien de temps ça dure ? Ben, maximum 3 heures, parce qu'après, on me met dehors. Donc, voilà. Donc, on a le temps tranquillement de discuter, d'écouter de la musique. C'est convivial, un petit café, un petit truc tranquille. Voilà, on est là, et puis vraiment pour la culture, pour la musique, et puis il n'y a pas de mélange ici. Moi, je le dis toujours, on mélange la musique, hein. En bas, on a fait des concerts où on a eu un même jour un sopraniste avec du hard rock, hein. Ça va pas du tout ensemble. Ben, nous, on l'a fait, mélanger l'accordéon, mélanger, c'est exactement ce qu'on recherche. Juste une petite chose avant qu'on continue, moi je voulais savoir, en Russie, on a parlé de la culture, on va parler de la musique un petit peu après avec toi, juste avant de dire au revoir à Nicole, est-ce que il y a une mode en russe quand on dit Russie au niveau vêtements, au niveau, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut trouver qu'en Russie? Ah, je ne l'ai pas apporté malheureusement, c'est les châles de Orenbourg. D'accord. C'était des châles qui sont faits, je crois, en poil de chèvre, oui. Hein, très fin. C'est une dentelle. Oui. Ils sont blancs ou gris. Hein. Et donc, ils sont très légers et extrêmement chauds. Et donc là, ces derniers temps, moi j'avais toujours mon châle d'Orenbourg sur moi, sous le manteau, qui est d'accord. Très chaud et qui fait des envieux, voilà. Oui. Mais on ne trouve ça qu'en Russie. C'est notre faute, c'est parce qu'en fait aujourd'hui il fait trop beau. Ben, peut-être qu'à Paris, dans des magasins russes, oui, mais voilà. Mais il faut ajouter que la qualité de châle d'Orenbourg se vérifie. Par l'annuaire. Voilà, d'accord. on prend une bague, oui. Un annuaire, et il faut. Vous avez des grands châles, hein. S'il passe dans l'annuaire, dans l'anneau, oui. Hein, dans la bague, c'est que c'est un vrai châle d'Orenbourg. S'il passe pas, c'est que c'est pas un châle d'Orenbourg. D'accord. Et moi, j'en ai acheté un là justement en juin pour ma cousine, oui. Et on l'a passé dans l'anneau. Donc il était authentique. Ah ben authentique alors. Mais c'est parce qu'il fait pas assez froid aujourd'hui qu'on l'a pas mis, c'est pour voilà, ça. Sinon, on l'aurait eu. Mais il y a aussi autre chose, oui. Au niveau tradition art et métier, oui. Russe. Il y a par exemple ce qu'on appelle le khakhlama. Ah oui. Donc c'est la façon de décorer la vaisselle faite en bois. D'accord. Avec des couleurs et des laques. Donc c'est laqué, c'est noir, or, toutes sortes d'ornements, mais surtout végétal, floréal. Et c'est très connu. Alors, c'est connu à Orléans aussi, parce que nous, notre association, j'ai oublié une chose très importante dans les activités de notre association, c'est qu'au moins tous les ans, en décembre, à la Maison des associations d'Orléans, nous avons une vente-exposition, et donc nous avons énormément de khakhlom, effectivement, de cette vaisselle en bois, et qu'on peut utiliser, qui est de la vaisselle traditionnelle. Et à chaque fois, les gens pensent que c'est uniquement décoratif, mais non, on peut l'utiliser. Ça passe au lave-vaisselle, ça. Voilà. Au lave-vaisselle, peut-être pas. Hein. Moi, j'ai un lave-vaisselle manuel, moi. Voilà. D'accord. Donc, c'est l'APRUI, rue de Sainte-Catherine, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Et donc, tous les ans, mois de décembre, c'est début décembre, nous avons 3-4 jours de vente-exposition. Ouais. Donc, on peut venir uniquement pour regarder, hein, on n'est pas obligé d'acheter. Et les petites boîtes laquées. Oui, on a aussi le. De Mstira, oui, etc. Oui, on a les boîtes laquées, on a la porcelaine de Saint-Pétersbourg, oui. On a les matryoshka, les poupées gigognes, on a tout. Vous savez que matryoshka, il faut préciser, à l'origine, ce n'est pas vraiment russe. C'est japonais. C'est japonais. Oui. Ça a apparu en Russie après la guerre de Russie contre le Japon, donc début du 20e siècle. D'accord. Mais on l'a changé à notre façon, c'est-à-dire qu'on l'a fait couper et on a mis plusieurs à l'intérieur. Plusieurs petites poupées. Plusieurs oui. petites poupées. Maintenant, c'est très commercialisé, parfois banalisé et vulgarisé. Par exemple, on fait toutes sortes de caricatures politiques. Et la dernière qu'on a montrée à la télévision, vous ouvrez Poutine et là, vous trouvez Trump. Alors, tu leur diras en Russie, c'est bien, mais j'aime pas ces poupées parce que quand je fais la poussière, qu'est-ce que c'est embêtant. Parce qu'une petite, une moyenne, et à chaque fois, on est en train de l'enlever, de faire la poussière. Voilà. Mais c'est super russe. Ma tante hein, adore la Russie. Elle a appris le russe et tout. Je sais qu'elle nous écoute derrière, donc Cathy, hein, je lui fais un gros bisou. Et elle nous a rapporté justement un lot de petites poupées russes qu'elle avait trouvées là-bas, du côté de Moscou. Et c'est vrai que c'est des traditions. Quand on parle Russie, forcément, français, nous, on peut le dire, hein, Guillaume, qui sommes français, si on parle Russie, la première chose, c'est vodka, c'est caviar, c'est le froid, c'est Kalinka, on va dire, et c'est les poupées russes, forcément. Oui, voilà, c'est les flammes splendides, oui. Les flammes splendides. Des flammes. Mais il y a un très, moi je dirais, très moderne. C'est les spécialistes des cyberattaques concernant les élections aux États-Unis. La production russe, la preuve de haute technologie. Oui, la haute technologie. Donc, merci encore de nous recevoir ici à Arc-en-Ciel. Eh bien voilà, on faisait des petits coucous. On remercie fortement donc Elena du groupe Volga-Loire. Et donc on le rappelle, tous les renseignements sont sur le site volga-loire.ekblog.com. Vous tapez Volga-Loire hein, en deux mots sur internet, vous allez retrouver le deuxième album. Et elle reviendra, Elena, peut-être avec le groupe pour nous parler du troisième album quand il arrivera. Et puis on peut les retrouver à Chingy au mois de juin pour un grand festival. Un grand merci à l'APREI aussi, Nicole donc de l'APREI qui est venue parler avec nous. Tous les renseignements sur le site internet de l'APREI et on peut les retrouver donc rue Sainte-Catherine à la Maison des Associations d'Orléans. Et cet après-midi, eh ben, une bonne petite galette des rois à toute cette association. On fait une petite pause musicale, Vladimir, Guillaume, Patrick, et puis on se retrouve après sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Alors je ne sais pas ce qui va passer, mais comme par hasard, c'est une musique russe. Et tout de suite sur Arc-en-Ciel. C'est vraiment un hasard. Mais c'est vraiment un hasard. Alors et je sais même pas ce qu'alors là. Pour tout dire aux auditeurs, c'est pas écrit en français ni en anglais, c'est écrit avec. En voilà. Et alors. Vous lisez à l'envers. À l'envers. Voilà. Alors promis, on vous dit le titre juste après, mais alors notre professeur Vladimir nous le dira certainement mieux. Après Romance que j'ai traduit tout à l'heure, qu'on a eu le plaisir d'avoir Natalia et Igor, et on est encore Natalia et Igor derrière nous. On retrouvera donc cet autre album tout de suite sur Arc-en-Ciel. Ne changez rien, www.radio-arc-en-ciel.fr pour nous écouter sur le net. Rennes, 96.2. La FM en couleur. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. Une grosse sonne si monotone. S'agissait d'un gros lot, sonne si monotone. C'est une romance interprétée par Natalia Svetovla sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, le 96.2. On ne change rien aujourd'hui, une émission spéciale russe. Et juste à côté de moi, derrière, nous allons retrouver Guillaume Rat et Vladimir en direct sur le 96.2. Над нами. Voilà, nous avons fait une petite pause musicale avec notre chanteuse. Qu'est-ce que c'était le titre exact qu'elle vient de chanter, Vladimir, à l'instant ? Attends-moi, je reviendrai. Oui. Quand ? C'était pour moi que tu disais ça. Mais vous savez, c'est juste pour vous expliquer que c'est un poème d'un grand poète de l'époque soviétique, Konstantin Simonov, qui est aussi écrivain. Et il a écrit pendant la dernière guerre. Et là, au fait, moi je l'ai traduit en français, et c'est devenu une sorte de hymne de ceux qui étaient au front, et ils pensaient à leur famille, bien aimée, aux femmes, aux mères, qui les envoyaient faire la guerre. D'accord. Et on le sent, c'est triste, c'est nostalgique, mais en même temps, il y a le foi qu'il reviendrait parce que je l'aime et je l'entends. D'accord. C'était ça l'idée. Et c'est surtout ça, le plus difficile, je pense, c'était de retranscrire ce poème qui est triste, de le mettre sur des paroles. Ça n'a pas été facile, peut-être, pour toi ? Non, c'était pas facile, mais j'assure que quand on le fait par amour. Toujours, bah oui, c'est ça, là. Non, c'est très, très, très intéressant. Moi, j'ai commencé à faire les traductions poétiques. Oui. Uniquement parce que je sais très bien, c'est pas ma langue maternelle. D'accord. Donc, je ne peux pas prétendre connaître mieux le français qu'un français qui est né en France, etc. Oui. Mais pour moi, les Français ne traduisent pas vraiment bien, comme je l'ai mentionné. Ils ne veulent pas voir cette mélodicité, si on peut dire. Oui. Donc le rythme, les terminaisons, le même nombre de syllabes qui caractérise la langue d'un tel ou tel auteur. Et pour moi, et pour, on dirait, l'école des traducteurs russes, c'est primordial. Parce que ce n'est pas toi que tu es. Tu ne peux pas rester neutre, mais tu essaies de rendre au mieux ce que voulait et comment voulait dire l'auteur. D'accord. C'était ça. Et comment tu es venu là-dedans, en fait ? Depuis tout petit, c'était une envie ? Tu as fait quoi comme métier ou comme étude avant ? Moi, je suis diplômé de faculté des lettres. D'accord. En Russie. En Russie, à Moscou. Oui. Et c'est là où j'avais comme discipline le russe et le français, la langue russe et la littérature française. Et c'était un peu mon choix qui, à mon avis, répondait à mon potentiel. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est ça qui est bien de savoir. Vraiment, d'où est-ce que ça vient ? Comment tu as commencé comme ça ? Oui, mais les traductions poétiques, je l'ai commencé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mmh, d'accord. Juste pour essayer de rendre ce que je considérais serait mieux comme la façon de traduire. Bien voilà. Sûr. D'accord. Guillaume, comment t'es venu aussi à la Russie? C'est bien de le savoir, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais trop peut-être évoqué ensemble. Écoute, c'est un concours de hasard assez exceptionnel. Je suis né le 21 septembre, qui est la journée mondiale de la paix. Oui. Et puis la journée de la Sainte Vierge en Russie. D'accord. Et puis j'étais invité pour un festival, donc je suis parti là-bas et on m'a demandé d'inviter un musicien, justement un ami kabyle qui est exceptionnel à la guitare. Et puis après le concert, ça s'est bien passé. Bon. Et l'organisateur me donne mon cachet, etc. Et mon ami me dit: Guillaume, c'est quelques années que je ne suis pas en France, je n'ai pas les papiers, est-ce que tu peux encaisser le chèque et me donner l'argent un peu plus tard? Bon, très bien. Donc j'encaisse l'argent et je voulais lui porter donc cette liquidité parce qu'il attend ses papiers depuis de nombreuses années. Et puis dans le bar, je rencontre un personnage qui est assis au bar qui s'appelle Christian Schuderlin et il me parle de la Russie. Il dit: mais est-ce que vous êtes déjà parti là-bas? Moi j'ai un projet d'un film qui s'appelle L'ours en pluche. Donc je me suis retrouvé dans le 20e arrondissement au milieu d'un bar, au milieu de nulle part. Je rencontre cette personne. Trois jours après, il vient chez moi. Je lui fais écouter ce que je fais. Il me dit: écoute, j'ai une amie, il faudrait que je l'appelle, elle est à Moscou, peut-être qu'elle peut faire quelque chose pour toi. Cette amie, elle était à Paris, figure-toi, et même pas une semaine après, je la rencontre à Paris, Marianne Markova. Mon CD part à Moscou, et de là, je suis invité pour chanter pour la fondation de Mikhail Kov, lors d'une soirée assez privée, on va dire, et assez exceptionnelle. Et c'était vraiment le coup du hasard. Et ce soir, je suis invité à la Courneuve, justement, avec le mouvement de la paix, pour un concert prochain avec le mouvement de la paix. Donc on va dire que c'est vraiment les énergies positives. Et de là, mon amour pour la Russie haute. J'ai rencontré Vladimir Sergeyev, l'association, et puis déjà depuis 2012, il organise des concerts à l'ambassade de Russie et promouvoit la langue russe et la culture franco-russe. Et j'ai beaucoup aimé le personnage et son authenticité. Et puis je me suis dit, bon, voilà, ça a été un partage exceptionnel et j'ai eu la chance deux fois déjà d'aller chanter au Kremlin, le Normandie-Niemen, donc grâce à Vladimir, à ses amis là-bas. Et ça a été pour moi un honneur parce que j'ai pu interviewer M. André Peroni, qui était un des techniciens qui faisait partie de la grande aventure de Normandie-Niemen. On devait accueillir aujourd'hui Alain Fage, malheureusement, qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il est malade, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler du Normandie-Niemen, parce qu'il faut rappeler juste ces 20 millions de Russes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'heureusement qu'ils sont venus en aide. Et puis on parlera de cet événement assez important du Normandie-Niemen, et le fait d'être allé chanter deux fois au Kremlin, ça ouvre tout de suite bien sûr des portes diplomatiques intéressantes, et moi ça me permet de promouvoir ma culture. Oui. Ma langue et puis l'esprit poétique, voilà. D'accord. Tout simplement. On va écouter le deuxième morceau qui nous a ramené sur le CD. Alors le deuxième morceau, c'est Amadou Kouyaté. Oui. Qui joue de la kora, donc vous allez l'entendre. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Amadou, qui est dans la tradition orale ancestrale depuis le 12e, 13e siècle, ce sont les griots qui sont détenteurs de cette tradition parce qu'il n'y a pas d'écrit, si vous voulez. Oui. Donc la tradition, on la transmet de père en fils, et ça a permis, pendant l'histoire de l'Empire mandin, qui était très très puissant, la première charte des droits de l'homme, j'ai dit tout à l'heure, c'est Sundata Keïta, on est en 1251. C'était un empire tellement puissant que les Arabes autour ont voulu un peu le... Il y avait des rois, des... C'est extraordinaire. Et Amadou, donc le père, a créé le centre culturel des arts à Dakar et a créé une école pour aveugles aussi. D'accord. Instrumentiste, donc on va écouter Amadou Kouyaté. Voilà. Et on écoute un extrait, puis après on revient avec Vladimir. On parlera de quoi, Vladimir, juste après? Des origines africaines. C'est pour ça. De Pouchkine. Des grands poètes russes. Comme par hasard, t'as vu, ça tombe bien. Voilà. Ça colle bien. Voilà, allez, on se retrouve juste après. Il n'y a pas de hasard. 13h45, bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Encore un petit quart d'heure en votre compagnie avec Guillaume, Vladimir, Patrick et moi-même. Nous sommes sur internet www.radio-arc-en-ciel.fr. En quête d'une voie spirituelle, j'errais, perdu sans mes repères. Un séraphin ouvrant ses ailes m'est apparu dans ce désert. Avec ses doigts si soyeux, doucement, il effleura mes yeux en les rendant clairvoyants comme ceux de l'aigle pénétrant. Et mon ouïe, grâce à lui, du son des cloches fut emplie. je puis entendre le tonnerre, le vol des anges tout là-haut, les créatures au fond des eaux, le cep de vigne perçant la terre. Et il toucha mes lèvres dures et arracha ma langue impure, hableuse, pleine de blasphème. Et de sa main couverte de sang, une sage langue de serpent plaça en guise de baptême. Son glaive fendit ma poitrine, mon cœur sortit tout palpitant, et dans mon sein la main divine mit une braise au feu ardent. Dans le désert j'étais sans vie, quand du Seigneur me vint ce cri: lève-toi, prophète. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Et ça, Guillaume, tu me l'as pas faite encore. Voilà un CD que t'as bien gravé, hein. Bah oui, hein, faut non, parce le dire. Que je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il fallait présenter Pouchkine. Il y a des leftos qui écoutent Arc-en-Ciel et il y a des leftards aussi. Je me suis dit que voilà, oui, ceux voilà. qui n'ont pas eu la chance de découvrir ce fameux poète. Voilà. Et, ben, et ces poèmes-là, on peut les retrouver quelque part, à part dans le lecteur qui mange le CD. Pouchkine, on peut le trouver partout. Ouais. Il est traduit, il y a des recueils de Pouchkine. Il y a des très bons traducteurs français qui ont traduit son très grand poème qui s'appelle Evgeny Onegin, Eugène Onegin. D'accord. Qui est là, à la base de d'un opéra. Oui. Par Tchaïkovski aussi. Donc il y a des airs mondialement connus et qui sont aussi, bon, ça s'est chanté normalement en russe, mais il y a aussi des traductions de ce poème. D'accord. Est-ce qu'il y a un poème que tu rêverais de faire ou quelque chose que tu dis, ça j'adorerais le faire dans la traduction, un défi comme ça que t'aimerais bien relever, qui dit tiens, ça me plairait, je voudrais vraiment faire ça, et que t'as jamais osé? Enfin, c'est difficile à dire, parce que pour moi quand même traduire du français en russe, beaucoup plus simple. D'accord. Je suis plus libre dans mes mouvements. Et je suis fier que j'ai fait la traduction de Nathalie. Le célèbre Nathalie, la place rouge était vide, vous vous rappelez ça? Oui, ah bon. Oui. Et Gilbert Bécaud. Oui, Gilbert Bécaud. Et j'espère qu'un jour, mon ami Guillaume va la chanter. Et il a traduit aussi une pièce de Molière récemment qui a été jouée à l'ambassade de Russie, qui a eu un franc succès, parce que la langue de Molière, pour garder l'esprit poétique de l'époque, et puis là... on va dire la transpirer dans l'époque contemporaine, il y a eu vraiment un franc succès, hein, si tu peux nous parler de cette pièce. Quelques phrases justement de Molière, parce qu'on connaît nous Molière forcément français, et ça donnerait quoi en russe si on met juste deux petites phrases comme ça en théâtre, pour se dire tiens oui, se voir français, nous la traduction que ça pourrait nous donner. D'ailleurs, c'est quelle pièce de Molière que tu as traduit? Moi j'ai traduit Les Fourberies de Scapin. Donc Les Fourberies de Scapin, qu'on connaît très bien, forcément, on a pris ça à l'école quand on était jeune, hein, Patrick? Oui, tout à fait. T'es jeune, moi aussi. Je suis présent. Absolument. Et moi, ce que je voudrais dire une chose, c'est que c'est vrai, on aimerait bien, Vladimir, entendre quelques... Je voudrais savoir... Les alexandrins, ou je ne sais pas quoi, de Molière, dit en russe. Ah. Est-ce que tu peux nous en lire comme ça sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel? Vous m'avez pris au dépourvu. On aime bien ça, nous. Mais je ne connais pas par cœur. Mais je peux vous dire... Non, mais deux, quelques mots. Non. Non, déjà, ce serait difficile de faire Alexandrin de Molière en russe pour Les Fourberies de Scapin, parce que c'était écrit en prose. En prose, pardon, oui. Et moi, je suis plus ou moins fier du fait que je l'ai mis en poème. D'accord. Et donc je l'ai rimé et ça c'est venu tout seul. Au fait, l'histoire a débuté par un entretien avec le metteur en scène qui travaille avec les jeunes, très connu, Vyacheslav Spissiv, c'est à Moscou, il a son théâtre pour les jeunes. Donc c'est des jeunes qui il fait des ateliers, il travaille avec eux et après il joue sur scène. Et quand je lui ai proposé, parce que j'ai d'autres traductions théâtrale des pièces françaises, des comédies, il dit oui, ça c'est intéressant, mais il m'a demandé si j'ai jamais traduit Molière. Je dis, mais non, j'avais jamais cette idée, parce que il est traduit 1000 fois par... Et il dit, c'est ça le gros problème. Moi, il dit, je travaille avec les jeunes, j'ai un gros problème parce que les jeunes n'aiment pas les classiques. Ils ne peuvent pas les jouer, ils ne comprennent pas. Car plus tu es classique, c'est-à-dire plus l'auteur est ancien, plus ancienne est la traduction, donc en russe. Et ça peut dater du 19e siècle. Et les jeunes, actuellement, tout change. On a parlé de l'approche avec les nouvelles technologies informatiques. Absolument, oui. Donc, comme a dit le metteur en scène, ils ont une perception des clips vidéo, par image, vite fait. Ils ne piochent pas dans la profondeur. Donc, ils ne comprennent pas. Il faut que ça soit assez léger, perçu tout de suite, compris. Et ça, c'était un défi pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je pensais à Fourrure du Scapin. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable. J'ai pris l'original. Je me suis rendu compte que c'est vraiment très, très lourd. Vous avez des répliques d'une page. Et c'est impossible, il n'y a pas l'espace à jouer. Et alors, j'ai commencé comme un jardinier, j'ai commencé à couper les choses. Tu as découpé, oui. Oui, pour ne pas jeter le bébé avec de l'eau, mais quand même. Et à la fin, j'ai reçu des textes un peu rythmés, pas encore rimés, mais en rythme, mais déjà beaucoup plus dynamique. Et vers la deuxième partie du travail, quand je commence à terminer, je vois que les rimes sortent tout seuls. Alors je reviens au début, je refais tout. Et puis, j'ai envoyé donc à mon ami, ce metteur en scène, Spisivtsev. Il a dit, je prends. Mais il a fait encore un truc fantastique. Ouais. Comme tout se passe en Italie. Pardon. Oui. Tout se passe en Italie. Donc, il a pris les airs les plus connus du siècle 18e, 17e siècle, qui sont un peu les classiques qu'on connaît. Et là, il les a utilisés pour que les joueurs, les artistes, pour qu'ils chantent et dansent sur ces airs-là. Ça m'a fait un effet fantastique. J'entends la mélodie connue avec mes paroles à moi. Et les jeunes, ils en prennent vraiment pied. Parce que c'est léger, tu étais là, Guillaume, t'as vu, donc qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai trouvé que, bien que je parle pas russe, parfaitement je comprends, on va dire, 40% de la langue. J'ai trouvé qu'au niveau de l'humour de Molière et puis au niveau de la dramaturgie, on a gardé un esprit bon enfant, c'est-à-dire que tout le public, n'importe quel âge, était sensible à ce qui se passait sur scène. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment la relation entre la symbiose entre le public et les spectateurs. C'est-à-dire qu'on fait les acteurs et les spectateurs, on a l'impression que les spectateurs finalement sont aussi les acteurs de cette pièce. En fonction de la réaction, on sent vraiment que c'est pas seulement l'éponge, on va dire, entre le jeu des acteurs, mais c'est l'éponge avec le spectateur, où il y a un échange, il y a une attente qui est mutuelle. Donc en fait, c'est plein de rebondissements, de surprises. Et puis quand je vois des gamins qui rigolent, et puis je vois les anciens aussi, et je trouve que c'était une belle réunion fraternelle. Voilà, ça m'a donné ce sentiment de l'extérieur. D'accord. Le genre de musique, c'est la Commedia dell'arte, non? Oui, c'est ça. Il faut pas lire de Scapin. Même il y avait la Traviata, ta ta ta ta ta ta ta ta, et ça. Voilà. Sur des textes. Voilà, et en fait, tu l'as adapté avec ce genre de musique, en fait. C'est pas moi, non. Oui, mais, non, tu l'as ? J'ai fait les poèmes. Voilà. La traduction. Et la traduction poétique. D'accord. Et c'est le metteur en scène qui l'a mise en musique, morceau par morceau. Sur. Il a mis les danses, les mouvements, et ça a marché très, très bien. Formidable. D'accord. Avant de se quitter, encore un dernier petit mot sur Vladimir. Ben, un grand, grand merci à toi. Si un jour on a besoin de tes services pour la traduction, ça se retrouve. Enfin, tu as un site, tu as des choses comme ça, on peut retrouver tes ouvrages. Est-ce que tu as fait des ouvrages toi-même, des poèmes ou autre chose que tu sors, ou un livre tout seul? Je ne me considère pas poète. Je sais faire des poésies, mais poète pour moi, c'est très noble. C'est, ça oblige. Oui. Donc, je suis assez bien. un rumeur, d'accord, si on peut dire. Mais nous avons notre association, on peut la trouver facilement en français, Association Glagol. Il y a tout ce que... Et l'almanach, l'almanach que vous avez sorti au niveau oui. du poète. Malheureusement, l'almanach, il est en russe. Chaque année, nous sortons un almanach, un truc de 400 pages, avec des poèmes, des articles analytiques, uniquement culturels et historiques. On ne touche pas à la politique, c'est notre credo. Oui, c'est bien. Par contre, cet almanach, on l'a commencé à sortir et à publier les poètes russes à Paris, en France. Et vite, on a compris, le potentiel s'épuise facilement. Oui. Et si on ne veut pas tomber dans le répétitif, donc, et on a eu un auteur, rédacteur en chef génial, qui nous a aidés à cueillir les meilleurs talents des Russes partout dans le monde, en Russie, en Ouzbékistan, en Géorgie, en Arménie, en Biélorussie, en Ukraine, en Israël, aux États-Unis, partout. Et les gens, nous, on ne paie pas des honoraires. On trie, on choisit, mais on fait la queue pour être publié, parce que nous avons le niveau, le filtre oui. assez fin. D'accord. Voilà. Ah bah c'est super. Et moi, je suis heureux parce que c'est grâce à Philippe Daniel Alotto que nous sommes ici aujourd'hui. Tout à fait, Philippe Daniel et Sandrine, oui. Voilà, et Sandrine, Rognon, donc je tiens à remercier. Et puis surtout, je les ai présentés à Vladimir. Et il y a une pièce aussi que Vladimir a Quand les a femmes traduit. S'en mêlent, les hommes se taisent. Exactement, qui et a là, été traduite en russe. La pièce que tu as traduite de... Oui. Voilà, donc je pense que c'est superbe cette radio parce que ça permet d'allier l'esprit. Voilà, c'est l'échange, c'est le partage, voilà. On est vraiment, vraiment là. Okay, merci à toi, ça va. Quelques mots en russe, Guillaume, pour se clôturer. Я вас люблю, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томи. Я вас любил так искренно, так нежно, Когда я вам Бог любимой быть другим. Je vous aimais, mon amour, peut-être, Dans mon profond ne s'est jamais éteint. Aucunement il ne doit pas paraître Comme un malheur et vous porter chagrin. Voilà, merci beaucoup. Oui. C'est Pushkin. Et voilà, et comment on dit merci? Spassiva. Et après on dit Dasvidan. Bravo, on a pas envie. Je me rappelle encore du russe. Merci à Patrick aussi. Hein. Merci à Patrick aujourd'hui. Merci à Guillaume, merci. Présent. Спасибо, Patrick. Спасибо всем большое. Merci beaucoup. Merci. Et à Patrick aussi. Moi, je suis heureux. Et merci. Et merci pour les 16 ans. Oui, c'est normal. Bah voilà, je vous remercie à tous les deux d'être venus. On rappelle donc Guillaume Rat, un site internet. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité? Vous tapez Guillaume Rat sur Google, oui. Et vous avez toute l'actualité. Il y a une petite tournée là qui va se préparer à l'IRIA à partir du 10 au Portugal. On est. Oui. Et puis on travaille sur un gros projet sur le théâtre José Lucho da Silva, une belle salle de 800 places là pour novembre 2017. Au Portugal, et toujours. Et puis voilà, oui. Et puis on est à l'IRIA qui est vraiment, je vous conseille cette destination, oui. C'est merveilleux, le bacalao chez. Sans érudit. Forcément, bah voilà. Et splendide, et les gens sont charmants, et voilà. Allez vivre au Portugal. Allez vivre au Portugal. Voilà, il faut aller. Ouais. Je pense que voilà. Moi, je vais on va dire, on dit au Portugal, Motoberbe. Voilà. Donc je salue aussi la communauté. Voilà. Ouais, ben ça marche. Merci beaucoup, Vladimir. Bon courage pour la suite. Hein. Rentrez bien, puis on se tient au courant dès qu'il y a ça. à deux ou trois. Voilà. Allez, rentrez merci bien. Beaucoup. Je vous souhaite un agréable samedi. Portez-vous bien et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos invités en direct ici sur le 96.2. À merci. Bientôt. On salue Pushkiss. Salut Pushkiss. Tiens, pour finir, Guillaume. Merci. Javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions.